Salut messieurs, mesdames et tout ce qu'il y a entre les deux. Je suis avec Narcy et on va faire un petit podcast ensemble avec un titre un petit peu tarabiscoté. Le titre c'est Échec de l'horizontalité. Alors je sais que c'est tarabiscoté, c'est parce que j'ai prévu de mettre une image pour illustrer de quelqu'un qui est en train de tomber d'un immeuble en disant jusqu'ici tout va bien. Bref. Alors, bah déjà, Narcy, salut, salut. Bien, bonjour à tous, à toutes, et bonjour à Thomas, et puis merci de m'accueillir. Merci de m'accueillir. J'espère qu'on va encore avoir des discussions riches et fertiles. Aucun doute là-dessus. Alors, je vais commencer par un petit peu expliquer c'est quoi le sujet, parce que le titre, je sais qu'il n'est pas clair. En fait, en jeu de rôle, tu vois, ces dernières années, j'ai l'impression qu'on a beaucoup essayé de développer ce qu'on appelle l'horizontalité. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire mettre un petit peu plus de collectif, mettre un peu plus de démocratie, de partage et d'égalité dans la partie de jeu de rôle, et puis peut-être de façon aussi plus large dans les communautés, dans les associations. Et ce que je dis, c'est aussi valable pour le GN, parce que moi, tu sais que j'ai un peu la double casquette jeu de rôle GN, donc je risque de parler pas mal de GN aussi, quoi. Et donc, en fait, le propos de ce podcast, c'était que, ben voilà, c'est cette recherche du collectif, ça porte beaucoup de belles promesses, mais l'idée, c'est d'avoir un constat, en tout cas me concernant, hein, t'auras bien sûr le droit de me contredire. Il y a un constat d'échec en fait, et un constat d'échec de cette démarche vers le collectif, dans le sens où à la fois il y a certains mouvements vers le collectif en fait qui amènent, je pense, à des situations qui en fait peuvent être problématiques. Et puis également il y a des fois où en fait juste on n'y arrive pas en fait à aller vers le collectif quoi. Donc c'est pas de mon côté, c'est pas forcément, tu vois, je veux pas me faire forcément l'avocat de la tyrannie du MJ, de l'auteur, de l'orga, de la tyrannie de qui que ce soit. Mais simplement, j'aimerais mettre un petit peu en avant les fois où ça patine un peu, cette tentative d'aller vers le collectif. Et des fois, si tu veux, c'est même plutôt. Moi, j'aurais des fois tendance à appeler de mes voeux encore plus de radicalité hein, vers le collectif. Hein, donc, c'est pas. C'est juste que des fois, ça va pas forcément dans le sens que moi j'aimerais que ça aille. Enfin voilà, j'aimerais. Bon, c'est un peu le podcast du sel, le podcast du seum, quoi. Puisque c'est un peu un podcast où je vais quand même insister plus sur ce qui marche pas que sur ce qui marche. Après, j'espère que y aura quand même des trucs un peu positifs, il y aura des idées qui vont émerger. Hein, j'en doute pas d'ailleurs. Bah écoute, ouais, moi je suis. Ouais, enfin, on avait déjà discuté un peu en amont. Je suis un peu enrhumé, désolé. Mais non, je pense que. Ouais, il y a des trucs sur lesquels on n'est pas d'accord. Je sais pas si moi je pourrais me faire l'avocat du positif. Je pense pas forcément avoir envie de prendre ce rôle-là, mais écoute, Objet. Objet. on va échanger, quoi. Bien sûr. J'aimerais, en introduction de toute cette réflexion-là, qu'on explique un peu d'où on parle, comment on se positionne. Je pense que ça pourrait permettre à notre auditoire de un peu mieux cerner, en fait, ben voilà, nos positions, quoi. Est-ce que tu as envie de commencer? Ouais, bien sûr. Alors moi, je suis Narcy Bonnel. Je suis pas mal présent sur les internets, hein, sur les réseaux, etc. Je fais du jeu de rôle depuis 2014 de manière très active en distanciel. Sinon, en dehors de ça, j'ai été un peu MJ, j'ai maîtrisé du Deadlands, du Vampire, un peu du Knight aussi. Mon expérience, elle est surtout distancielle, donc vraiment beaucoup, beaucoup de jeux de rôle distanciel. Et moi, justement, je suis partisan, on va dire, à la fois d'une inclusivité et aussi de porter les idées, on va dire, enfin, c'est un peu bizarre d'en parler parce que, bon, voilà, mais de porter les idées de démocratie et de rechercher des formes de narration qui soient partagées, mais aussi effectivement, depuis que j'ai commencé à jouer, j'avais des soucis avec l'autorité du MJ, parce que j'avais des soucis avec l'autorité dans ma vie de manière générale. Donc j'ai des soucis avec la hiérarchie, avec l'autorité, et donc c'est aussi ces discussions avec Thomas qui ont un peu donné l'idée de créer ce podcast-là. Bah de mon côté, je suis un vieux con du JDR, donc ça a sans doute une influence sur ma façon de voir les choses. Enfin, veux pas quoi. Moi, ça fait j'ai plus de 30 ans de pratique, donc peut-être que je suis dépassé. Hein, c'est fort possible, hein, même si j'essaye de me tenir au courant. Voilà, après cette approche du collectif, j'estime en avoir été quand même en partie. Alors bon, de par mon parcours, j'ai une approche un petit peu verticale, un peu une approche du chef ou de l'autorité, puisque je suis beaucoup MJ, puisque je suis auteur de jeux de rôle, parce que j'ai organisé des événements ludiques. Et quand je dis organiser, j'avais tendance un petit peu à centraliser beaucoup de responsabilités, à faire tout moi-même, quoi, pour le meilleur comme pour le pire. Donc ça, c'est pour le côté un peu vieux con tyrannique. Et puis après, pour le côté jeune con progressiste, j'ai quand même essayé... déjà, j'ai fait beaucoup de jeux sans MJ. Premièrement, j'ai créé beaucoup de jeux sans MJ. Et j'ai créé un GN sans Orga, ce qui est pas tout à fait inexistant dans le domaine du GN, mais c'est quand même assez rare. Voilà. Et par ailleurs, j'ai essayé de promouvoir une démarche à travers le jeu de rôle, mais surtout à travers le GN, une démarche que j'appelle le design inclusif. Et puis, politiquement, je vais claquer mon étiquette, je me situe plutôt à gauche, même si évidemment je suis pas d'accord avec tout ce qui se dit à gauche, mais personne ne l'est, quoi. Et des fois, j'estime tout simplement que ce qu'on appelle la gauche n'est tout simplement pas assez radical à mes yeux, on y reviendra. Donc voilà, ça me paraissait important de situer aussi un peu mon étiquette politique, parce que je pense que ça va forcément avoir une influence sur la façon dont je vois le sujet dont on va parler aujourd'hui, quoi. Puisqu'il y a quand même forcément une porosité, même si je ne veux pas politiser à toute force le jeu de rôle, mais il y a forcément quand même une porosité entre la façon dont on voit notre loisir et la façon dont on se situe politiquement. Oui, moi aussi, évidemment, je suis plutôt de gauche également, hein, et même j'ai une forme de culture anarchiste aussi. Donc justement, tout ce lien avec l'autorité, etc., c'est des sujets qui sont beaucoup discutés et beaucoup débattus. Ça roule. Alors, je vais très rapidement dire un peu le plan que j'avais prévu. Ça, c'est juste pour que l'auditoire voit un peu vers quoi on va. Et puis après, on va essayer de partir sur le premier sujet. Donc moi, j'ai noté 6 aspects, en fait. Le premier, c'est contrat social / contrat de table. Le deuxième, c'est le world building, c'est-à-dire, grosso modo, la co-création d'univers de jeu avec les joueuses. Le troisième aspect, c'est la narration partagée. Donc, c'est comment on co-construit l'histoire pendant la partie, puisque le world building, c'est avant la partie. Quatrième aspect, c'est la sécurité émotionnelle. Cinquième aspect, c'est l'aspect débriefing. Et le sixième aspect, c'est toutes les démarches dites inclusives, avec, on verra un petit peu, qui peuvent être paradoxales, puisque cette inclusion, elle peut, de certaine façon, être exclusive. Donc, si ça te va, on va commencer par le contrat de table. Alors, avant toute chose, je vais définir c'est quoi le contrat de table. En fait, il y a un terme en théorie rôliste qui circule beaucoup, qu'on appelle le contrat social. Le contrat social, c'est inspiré de le philosophe Jean-Jacques Rousseau, qui... Je parle sous ton contrôle, Narcy, hein, mais grosso modo... Jean-Jacques Rousseau, il estime que le peuple accepte de se plier à un gouvernement, à signer une sorte de contrat social, à abdiquer d'une partie de sa liberté pour obtenir en échange la possibilité d'un vivre ensemble, quoi. Et c'est ce contrat social, voilà, qui va permettre, qui va faire que le peuple accepte les règles pour qu'il y ait un vivre ensemble qui soit possible. Ce contrat social, il est à la fois composé de règles explicites, c'est-à-dire toutes les lois, en fait. Et alors, bon, sachant qu'évidemment, une bonne partie de ces règles explicites, en réalité, ne sont pas connues de tout le monde, hein, parce que c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi, mais dans la pratique, on n'est pas au courant de toutes les lois qui existent, hein. Ça n'arrive jamais, personne ne... Et il y a aussi des règles implicites. Alors, bon, les règles implicites, là, c'est là où ça commence à être déjà... Là, le cochon est dans le baillis, c'est à partir du moment où, en fait... Il y a des règles implicites dans le contrat social. Il y a aussi cette notion de à quel moment en fait le peuple il a signé ce contrat social, quoi. Sans ça fait forcément penser là au comment on s'appelle là, les citoyens, ceux qui disent qu'ils ne contractent pas là. Mince, j'ai oublié comment ils s'appellent. Les libres citoyens ou quelque chose comme ça là, ce mouvement. Ouais, c'est ça, les citoyens libres, qui est une mouvance un petit peu. Libertarienne, complotiste et tout, qui estime que en fait le contrat social il n'existe pas, parce qu'en fait à aucun moment toi en tant que membre du peuple t'as vraiment signé un contrat, tu vois, avec l'État pour dire que tu acceptais d'être soumis à l'État. Bon, c'est les citoyens souverains. C'est les citoyens souverains. Citoyens souverains, ouais, citoyens souverains. Sur Wikipédia, on voit aussi citoyens libres, ouais, citoyens souverains, ouais. Je vous mettrai évidemment tout ça en biblio. Je sais pas si c'est nécessaire de... Voilà. je sais pas si c'est nécessaire d'aller voir ce que ce genre de personnes disent, mais... Écoute, c'est le Potter's Unleashed où toutes les théories les plus débiles vont pouvoir s'inviter. Bon, plus sérieusement, le contrat social, il porte en germe, entre guillemets, des choses un petit peu contradictoires. On ne sait pas à quel moment, on ne sait pas ce qui est mentionné dans le contrat social. On ne sait pas est-ce que vraiment on l'a signé et tout. Et donc Grégory Pogorzelski, il propose un autre terme. Il appelle ça le contrat de table. Alors bon, de facto, ce qu'on appelle dans le jeu de rôle le contrat social, c'est ce que Grégory appelle le contrat de table. Hein. En vérité, c'est la même chose, mais je trouve que le terme de Grégory, il est tout simplement plus clair, quoi. Le contrat de table, c'est vraiment, avant la partie, de quoi on a discuté, sur quoi on s'est mis d'accord. C'est ça le contrat de table, d'accord ? Est-ce que tu as un petit peu des réactions déjà par rapport à ça, avant que je déroule ce que moi j'ai à dire au sujet du contrat de table ? Non, mais alors, rapidement, enfin, on va pas forcément trop parler de Jean-Jacques Rousseau non plus, mais Jean-Jacques Rousseau, il sous-entendait qu'en réalité, les gens abandonnaient leur liberté, leur prérogative de liberté, c'était surtout ça. Mm-hmm. Donc, l'État en lui-même est répressif, hein, voilà, on le sait toujours. Mais en fait, à condition, et c'est ça qui est très important, hein, à condition que l'État garantisse leur souveraineté populaire. Voilà, c'était quand même la condition sine qua non du contrat social, c'est on accepte d'abandonner notre liberté, mais il faut quand même qu'on soit souverain, quand même. Donc c'est quand même un paradoxe assez voilà, donc je pense qu'on pourrait y revenir aussi. C'est-à-dire que en fait, parce que bon, Jean-Jacques Rousseau, quand il émet ça, s'il est encore à l'époque de la monarchie, c'est pas certain en fait que la monarchie respecte vraiment le contrat social tel que Rousseau l'imagine en fait. Bah non, mais justement, moi il me semblait que justement c'était une critique de la monarchie, justement, ce texte-là de Rousseau. Ouais. Quoi, pour dire justement que la société populaire, elle est pas là en monarchie, quoi. Enfin, je connais pas très bien le texte, donc je vais pas trop. Dire des bêtises, mais... Non, mais je pense qu'on peut facilement l'inférer, puisque grosso modo, c'est les philosophes des Lumières. C'est pas forcément des gens qui veulent renverser la monarchie, mais ils plaident quand même pour une monarchie éclairée, qui soit un peu plus à l'écoute du peuple. C'est-à-dire qu'ils plaident pour une rupture avec la monarchie absolue, telle qu'elle est mise en place sous Louis XIV, quoi. Donc, potentiellement, voilà, j'imagine que le contrat social de Rousseau, ça appelle à réformer la monarchie, quoi. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Ok, et donc sur le contrat social slash contrat de table en jeu de rôle, est-ce que tu as des choses à nous dire ? Est-ce que toi, dans ton vécu de rôliste, tu as l'impression que c'est quelque chose qui fonctionne ? Bah, alors moi, encore une fois, hein, je rappelle d'où je parle. Moi, je parle du distanciel. Le distanciel, c'est généralement, ce n'est pas la majorité du jeu de rôle. La majorité du jeu de rôle, de ce que je pense, hein, c'est entre amis, entre potes. On se retrouve dans un bar, dans une cave, dans une chambre, et on joue. Donc en fait, a priori, le gros majeur partie de la pratique du jeu de rôle, c'est une pratique qui est avec des gens qu'on ne connaît pas. Ah non, qu'on connaît, pardon. C'est avec des gens qu'on connaît. Donc en fait, le problème va se poser, la nécessité d'un contrat de table va se poser, d'un contrat de table bétonné, hein, quand on joue avec des gens qu'on ne connaît pas. C'est mon cas à moi, c'est-à-dire le jeu en distanciel. Moi, ce que je remarque déjà, c'est que le contrat social, il est minimal. Il est extrêmement minimal. Hein. Généralement, ça va être l'heure, la date, le jeu, quelques attentes, mais très très rapides, quoi. C'est-à-dire, je veux qu'on soit plutôt sérieux, je veux qu'on soit plutôt dans le fun. Bon, voilà. Le nom du MJ, qui est dans le contrat social, hein, parce que le MJ dit, bah voilà, vous allez jouer avec moi. Sachant qu'on ne sait pas forcément comment joue le MJ, qui il est, etc. Donc le contrat de table, quand il est posé lors du recrutement, il est souvent très minimal. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quand on veut aller un peu plus loin, on va faire des sessions zéro. Enfin, des sessions zéro, on va se caler, etc. Bon, là, encore une fois, ça pose un autre problème, c'est que pour le recrutement, on ne va pas faire 40 sessions zéro, quoi. S'il y a 80 postulants, donc voilà, ça veut dire qu'on fait 40 sur 0, c'est pas possible, quoi. Donc, bon, voilà. Et effectivement, souvent, c'est le MJ qui les dicte. Donc, c'est le MJ qui décide, et qui édicte un contrat social minimal, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est vraiment la base de la base, quoi. Donc, moi, déjà, ça s'impose un premier souci. Et en même temps, comment le résoudre? C'est-à-dire, est-ce qu'on va faire un vrai contrat écrit de 10 pages où on dit, bah voilà, moi, je maîtrise comme ça et j'attends ça de vous? Bon, là, c'est un peu extrême. Hein. Bon, moi, j'ai vu parfois, effectivement, mais très rarement, et peut-être que ça rebute les joueurs et les joueuses, j'ai vu des fois des gens qui postaient un document PDF ou quoi, qui faisaient une page où ils expliquaient, bah, eux, comment ils maîtrisent, quelles sont leurs attentes. Là, on est déjà plus, pour moi, dans l'honnêteté, quoi. On est déjà plus dans l'honnêteté de dire, bah voilà, moi, j'ai mes conditions, et quand on s'engage sur une campagne, il vaut mieux que tout le monde soit raccord sur ce contrat de table, justement. Voilà, moi, je effectivement, premier point, souvent incomplet, et deuxième point, bah, comment le rendre plus complet? Est-ce que c'est souhaitable de le rendre plus complet, quoi? Qu'est-ce que t'en penses, Thomas, toi? Ouais, bah, pour rebondir sur ce que t'as dit, déjà, le fait que, quand il y a, comme que tu l'as dit, le contrat de table, souvent, il est minimal, enfin, on peut quasiment se dire qu'il n'y en a pas, en fait, et du coup, on va être, enfin, par exemple, tu vois, tu parles de l'heure, souvent, c'est l'heure de début qui va être mentionnée, mais l'heure de fin, on ne sait pas, quoi, ça peut durer jusqu'à 3 heures du mat, on ne sait pas trop. En plus, quand il y a un contrat de table, la question, c'est qui l'édicte, et souvent, en fait, c'est le MJ, c'est-à-dire que le MJ va mettre une liste de, voilà, de à quoi il faut s'attendre dans la partie, et c'est bah, finalement... Tu vois, c'est, en fait, moi j'ai l'impression que le contrat social slash contrat de table, c'est un truc qui a été énormément défendu bah, par les rôlistes progressistes. Mais au final, ça revient juste, c'est le MJ qui va fournir l'étape de la loi, quoi. Donc, ça c'est problématique. Alors après, il y a la solution, comme tu le dis, de faire une session zéro et de vraiment discuter entre nous, même à supposer qu'il y a un MJ, que c'est vraiment entre nous qu'on discute de la façon dont on veut jouer. Mais en fait, ça aussi, ça a ses limites. Il y a plein de problèmes. Bah déjà, ça prend du temps, en fait, comme tu dis, de faire une session zéro. C'est-à-dire, est-ce que pour un one-shot, on est prêt à passer une heure, tu vois, à discuter entre nous de vraiment comment on veut jouer? Est-ce qu'on est vraiment capable de se mettre d'accord? Est-ce qu'on va réussir à parler le même langage? Est-ce qu'on est capable de vraiment savoir quelles sont nos attentes? Et quand bien même on serait capable de tout ça, et moi je pense qu'on n'en est pas capable, hein, quand bien même on serait capable de tout ça, est-ce que vraiment les attentes de tout le monde, elles sont conciliables? Et je pense que non. Généralement, en fait, les attentes sont souvent assez contradictoires. Et même si on arrive à se mettre d'accord sur, entre guillemets, lors de la session zéro, on arrive à mettre sur d'accord sur, imaginons le cas parfait d'un contrat de table, on arrive à formuler nos attentes, on arrive à se mettre d'accord sur des points qui sont validés par tout le monde. Est-ce que vraiment, pendant qu'on va jouer, on va se rappeler de toutes ces règles qu'on a rajoutées, en fait, en quelque sorte? Parce qu'en fait, le contrat de table, c'est des règles que tu vas rajouter par rapport aux règles du jeu que tu veux utiliser. C'est les règles de la partie, en quelque sorte. Et KF, en fait, a un terme que je trouve assez fort, qui est « nous ne sommes pas infiniment paramétrables ». C'est-à-dire que, ouais, en vrai, oui, tu peux rajouter 30 règles supplémentaires à la partie pour que vraiment la partie, ce soit une partie qui nous ressemble telle qu'on l'a vraiment rêvé. Mais en fait, on va tellement tout oublier, quoi. Donc, généralement, notre mémoire de travail va être saturée, en fait. Grosso modo, tu peux à peu près retenir, généralement, on dit que ta mémoire de travail, tu peux à peu près retenir 7 consignes en même temps, quoi. Donc, si on a un contrat de table avec 30 consignes, c'est mort, on n'y arrivera pas, en fait. Donc, au final, on aura pris du temps, on se sera pris la tête à vouloir se calibrer un maximum en amont, et au final, on va pas réussir, si tu veux, on va pas réussir à actualiser en fait ces attentes, parce qu'on va tout simplement pas se rappeler. Ou alors, ce que j'ai constaté, notamment en GN, tu vois, j'ai des sur les GN, notamment les centres. En tant qu'orga, on passe déjà du temps à proposer du matériel. Il y a beaucoup, beaucoup de matériel qui est proposé. Ça nous prend du temps. Et en fait, quand on laisse les joueurs en plus se calibrer entre elles, donc, c'est-à-dire on va ouvrir un Discord avant le GN, 2-3 mois avant le GN, on ouvre un Discord, et les joueurs entrent en contact les unes avec les autres, notamment pour calibrer tout ce qu'il y a au niveau de la communauté, nos personnages, c'est quoi notre communauté, c'est quoi le concept de notre communauté, c'est quoi notre histoire en commun. Les joueurs vont rajouter du matériel, tu vois, vont rajouter des idées. Alors, je déborde un petit peu sur le worldbuilding, mais bon, tant pis. Et bien, en fait, moi, ce que j'ai constaté, c'est que du coup, les joueurs, pendant le GN, elles vont Elles vont jouer les idées qu'elles ont mis en place durant leur calibration, mais généralement, ça implique de mettre à la poubelle une bonne partie de ce qui avait été préparé par les orgas. Et c'est pas de la mauvaise foi de la part des joueurs, c'est juste que, bah, en fait, nous, en tant qu'orgas, on a déjà préparé suffisamment de matériel pour t'occuper durant la partie, mais en fait, comme toi, tu rajoutes du matériel, et ben, t'es obligé de dégager le matériel fourni par les orgas. Donc au final, il y a un sentiment, si tu veux, de perte de temps, d'énergie un petit peu dépensée en vain, quoi. Alors, ouais, alors pour le coup, moi j'avais déjà été confronté à ce genre de souci, hein, effectivement, c'est-à-dire en termes de matériel qu'on apporte, à un moment donné, il y a trop d'éléments. C'est intéressant l'histoire de la mémoire de travail, là, puisque pour le coup, effectivement, ça veut dire jusqu'à quel point on se rappelle des trucs qu'on a mis en place lors de la session zéro, quoi. Alors, il y a des solutions, hein. Encore une fois, on pourrait, par exemple, imaginer que on y reviendra, mais pour la sécurité émotionnelle, alors il faut avoir un espace, hein, en distanciel ou même en présentiel, mais on met une feuille au milieu de la table ou un tableau avec des gros trucs marqués en gros et visibles de tout le monde, et ça peut se faire sur Miro, ça peut se faire sur Roll20, ça peut se faire sur Discord, bon voilà. Moi, ce que j'ai trouvé pour l'instant comme parade à cette histoire de contrat social, et je ne dis pas que ça fonctionne, hein, et moi je ne le fais pas systématiquement parce que c'est aussi, comme je le disais plus tôt, ça peut être un repoussoir. Moi, à chaque partie importante, donc pas en one shot, hein, Thomas parlait de one shot, moi c'est plutôt en campagne, à chaque partie importante que je vais jouer, je présente ma présentation de joueur. J'ai un document qui fait 3 pages. Bon, voilà, il faut se le taper, hein, voilà, mais j'essaie de le réduire au fur et à mesure, évidemment. Et en fait, je dis, bah voilà moi comment je joue, voilà moi quelles sont mes attentes, voilà ma personnalité. C'était un peu ce que j'avais fait. Là, il y avait eu un recrutement avec Thomas qui m'a demandé de me présenter en quelques lignes. Donc, j'avais présenté mes qualités, mes défauts. Finalement, on se rapproche de l'entretien d'embauche, hein, quasiment. Hein, c'est un peu flippant, mais bon, voilà. Hein, et finalement, on dit, bah moi, je suis comme ça. Et une fois que, et là, malheureusement, c'est un peu OMJ, effectivement, de décider de faire sa tambouille, de voir si les joueuses qu'il a recrutées vont être compatibles entre elles. Je sais pas si ça répond vraiment à la question, mais bon, voilà, le problème, c'est que ça reste toujours le pouvoir OMJ. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une solution pour résoudre ce problème de contrat social, comme le disait KF, on n'est pas infiniment par travers. Et puis, il faut jamais oublier que d'autres parties de jeu de rôle va héberger un chaos. Va émerger un chaos, et c'est dans ce chaos qu'on va trouver les bonnes idées. Et en fait, ce magma, en fait, cette intercréativité, il va héberger des choses qu'on n'avait pas prévues, qui n'étaient pas calculées, qui n'étaient pas. On y reviendra sur la sécurité émotionnelle un peu plus loin, mais en fait, quel que soit le contrat social, il y a de fortes chances que la partie lui mette un bon coup dans les gencives, quoi. C'est un peu la marche des choses, quoi. Ouais, ce qui dérange un peu avec ça, moi, c'est que j'ai l'impression que souvent, quand je vois des vidéos, notamment sur la sécurité émotionnelle, c'est que les gens agitent un peu ça comme drapeau, qui disent non, mais oui, mais il y a le contrat social, donc il n'y a pas de problème, si on fait un bon contrat social. Et en fait, j'ai l'impression que les gens ne réalisent pas bien qu'en réalité, le contrat social, bah, c'est du vent, en fait. C'est un truc qu'on agite comme un drapeau, mais concrètement, bah, par rapport à tout ce qu'on a dit, bah, en fait, ça ne fonctionne pas, en fait. Enfin, je suis désolé, hein, mais donc il faut trouver d'autres manières. S'il faut que ça passe par l'écrit. Moi, je pense que la meilleure solution par rapport au contrat social, au contrat de table, c'est qu'il soit pas vraiment contractuel. C'est qu'il soit sans arrêt remis en question, qu'à chaque partie, on puisse le remettre sur la table en débrief. On en parlera dans la partie débrief, mais à chaque fois, on puisse le changer, le modifier, apporter des addendums. Il ne faut pas que ce soit quelque chose de figé dans le marbre, le contrat social, je pense. C'est toi, je te laisse la parole. Ouais, alors également, là je me permets de rebondir sur la campagne qu'on a fait ensemble. C'est pas pour faire le procès de la campagne qu'on a fait ensemble, mais comme ça on a un référentiel en commun. Hein. Bon, moi cette campagne elle m'a convenu, même s'il y a eu des problèmes qu'on va pouvoir mettre en avant. Voilà, c'est surtout pour avoir un truc en commun. Mais déjà, un truc qui était important avec notre campagne, où du coup je pense qu'on a vraiment joué le jeu du collectif presque jusqu'à la caricature, et où en fait ça n'a pas forcément produit autant d'effets que voulu. C'est-à-dire que concrètement, effectivement, ce qu'on avait fait, c'est que moi, je m'étais pas présenté parce que toutes les personnes à qui je m'adressais, je les connaissais. Enfin, sauf une, mais du coup, enfin, s'il y avait une personne que je connaissais pas, mais du coup, j'ai discuté avec elle. Donc, on a fait une heure de discussion avant pour se calibrer, puis voir qu'on était, vérifier qu'on était ludiquement compatible entre guillemets, quoi. Sinon, effectivement, je vous ai demandé à tous de rédiger une petite présentation de vous, où on n'hésitait pas d'ailleurs à mettre à la fois nos qualités de joueur, mais aussi nos défauts, quoi, ou les trucs qui pouvaient être un peu frustrants, quoi. Et donc, on avait fait valider les profils. En fait, toi, je t'avais demandé de valider les profils des deux autres candidates. Et puis, inversement, enfin, grosso modo, en fait, la table de campagne s'est constituée que avec une cooptation de tout le monde par tout le monde, quoi. Et on avait fait un gros contrat social, c'est-à-dire, pour le coup c'est moi qui l'avais rédigé, mais il était assez long, hein. Pour le coup on était effectivement dans le cadre du contrat social qui faisait une page. Et en fait, grosso modo, le truc c'est que, je vous ai aussi demandé, donc les lignes et les voiles, truc classique, insécurité émotionnelle, je vous ai aussi demandé les phares. Les phares, c'est un peu le positif de la sécurité émotionnelle, c'est-à-dire les choses qu'on aimerait voir dans la campagne, quoi. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé, grosso modo? C'est qu'on a créé extrêmement de... Et pareil, vous avez créé vos personnages. Tous les personnages devaient être cooptés par les autres. C'est-à-dire que tu pouvais pas créer un personnage que les autres n'aimaient pas, quoi. Et donc, on a créé, en fait, énormément de friction au départ, quoi. C'est-à-dire que la mise en place de la campagne, je sais pas si t'es d'accord, mais elle était quand même assez... on a vraiment passé du temps à mettre en place la campagne. Est-ce qu'on a eu une campagne parfaite pour autant? Bah non, en fait. Pour donner un exemple, et c'est pas pour te jeter l'opprobre, hein, du tout, hein, c'est juste pour exemplifier, mais par exemple sur les phares, toi t'avais mis beaucoup de phares, t'en avais, de mémoire t'avais 7 ou 8 phares, quoi, différents. Bah en fait, évidemment, je pense à la limite c'était prévisible, on n'a jamais pu mettre en place tous tes phares, quoi, il y en a quelques-uns, mais on les a pas tous mis, quoi. Donc c'est vraiment la question du contrat de table, c'est à partir du moment où on fait un contrat de table, plus on bétonne le contrat de table, plus on va apporter de la friction à la possibilité que la partie ait lieu, ou la campagne ait lieu. Et en fait, ça n'est pas forcément rentable. Il y a des moments où, en fait, tu peux, malgré toute cette friction, tu peux avoir une campagne un petit peu hoquetière, quoi, un peu moyenne, pas forcément géniale. C'est pas du tout la garantie d'avoir une campagne géniale. Et donc voilà, il faut toujours se demander si c'est vraiment ça vaut le coup d'avoir cette friction, quoi. Alors, le contrat de table, j'en reviens un peu justement par rapport à ça, ce que vient de dire Thomas, c'est justement, c'est moi pour moi, il faut que ça reste fluide, en fait. L'un des problèmes justement qu'on a, c'est que souvent le contrat de table, il est implicite. Et moi, les youtubeurs que je vois notamment parler du contrat de table, en fait, ce qu'ils entendent derrière le contrat de table, c'est je connais mes joueuses, en fait. Je connais mes joueuses, elles se connaissent entre elles, et donc en fait, il n'y a pas vraiment besoin de contrat parce qu'on se connaît tous, en fait. Voilà. Je pense notamment à une vidéo du New Major Zero, c'est pour ça que je pense à ça, tu vois. Mais elle disait, oui, pour moi, le contrat social, c'est vachement important. Oui, mais le contrat social, en fait, c'est quoi? C'est ta sélection de tes joueuses se connaissent. Bah oui, ça marche, quoi. Oui, quelle surprise, quoi. Voilà. Je lance pas la pierre à New Major Zero, hein. Peut-être que j'ai mal compris ce qu'elle a voulu dire, etc. Hein, mais, et peut-être que je me trompe, voilà. Mais parce que je pensais à celle de ces vidéos, là, où elle parlait justement d'élitisme en général, etc., et du fait que il y avait le principe du contrat social. Je trouve que c'est un peu un truc qu'on, là je parle pas de New Major Zero du tout, hein, mais qu'on agite à tout va. C'est un peu le drapeau, quoi. C'est un peu le drapeau, mais finalement, en fait, je pense que personne ne sait vraiment ce que ça recouvre, et peut-être que les gens ne réalisent pas réellement non plus ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que ne réalisent pas le fait que notre contrat social, tu peux la rappeler tous les temps que tu veux, la partie, on va rejourner du chaos. Et d'ailleurs, il y a une grande variabilité entre se présenter, comme pour la campagne qu'on a fait avec Thomas, se présenter, et on peut se présenter autant qu'on veut, et bah, c'est pas une description exhaustive, en fait. La personne, il y a toujours des axes où on sait pas comment elle va réagir à telle ou telle situation. Ça marche quand on sait comment fonctionne la personne, hein. Mais même le fait de se coopter, de se valider entre nous, c'est une chose, mais ça aurait été une autre chose, par exemple, si j'avais dit, moi, à cette campagne, avec Thomas, je veux jouer avec telle personne, quoi. Voilà. Et là, je pense que ça aurait peut-être mieux fonctionné, parce que là, on était quand même trois inconnus, et on a beau se présenter, se coopter, puis on le fait peut-être aussi parce qu'il y a une espèce de pression sociale de se dire, bah, je vais pas rejeter des joueurs ou des joueuses, juste une présentation, quoi. Voilà, moi, j'ai aussi envie de jouer, donc à un moment donné, il faut faire... Faut dire bon bah allez cette personne là ok ça passe je crois qu'il y avait certains trucs qui m'avaient un peu pas forcément déstabilisé mais où je m'étais dit bon on verra bien ce que ça donne quoi il y avait un peu ce côté on essaye on verra bien quoi Parce que c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir en tant que joueur, surtout en tant que joueuse, des exigences très très élevées, puisqu'au final, on sait que si plus nos exigences vont être élevées en termes d'attente, plus on va passer à la trappe, quoi, lors de la sélection. Mais inversement, si tu veux, le truc de je connais mes joueuses, c'est-à-dire je joue avec des personnes que je connais bien, donc ça va bien se passer. On est d'accord aussi que en fait c'est du flan. Enfin, je veux dire, il y a un moment, tu crois que tu connais tes joueuses. Mais jusqu'au moment où tu vas faire une proposition qui va totalement déplaire à ta table, tu pensais que c'était ok parce qu'on se connaissait bien, puis en fait tu vas dans le mur, quoi. Donc, mais ce que je veux dire du coup, c'est que le plus dur, c'est en fait quand tu commences une partie de jeu de rôle, tu l'as dit le mot clé, hein, c'est le chaos. Tu commences une partie de jeu de rôle. Bah, je dis pas qu'il faut prendre aucune précaution, mais en fait si on fait une partie de jeu de rôle, ça va foirer, enfin, ça ne sera pas conforme à nos attentes. C'est juste pas possible, en fait. Parce qu'on est sur de l'humain. Et donc, il y a un moment, c'est peut-être pas la peine de vouloir à tout prix contrôler, parce qu'en fait, ça marchera pas, quoi. Il y a un truc là-dessus, sur lequel je voulais revenir rapidement. C'est une question d'organisation sociale. C'est une question politique, hein, quasiment, même complètement. Plus on est nombreux, plus le paramétrage est compliqué. Alors, de toute façon, je suis pas en train de dire la solution, c'est plus que de faire du JDR solo ou quoi. Mais quelque part, il y a un peu de ça. Moi, par exemple, quand je fais des parties un MJ, un PJ, je trouve qu'il y a plus de, le contrat social est plus respecté, en fait. Parce qu'on est que deux. On est que deux, en fait. Donc, il suffit de dire, ça me plaît bien, j'aimerais que tu ailles vers cette direction-là. Il n'y aura pas d'opposition. Alors attention, voilà, c'est vrai, ouais, parce que tu peux prendre des pauses, en fait. Tu peux plus facilement aussi prendre des pauses pour dire attends, là il y a un truc qui me pose question, est-ce qu'on pourrait pas faire autrement? Tandis que dès que t'es 3 ou 4 à la table, tu sais, t'as un peu la pression sociale de tu veux pas interrompre le jeu pour remettre en cause un truc et tout, quoi. Donc rien que de pouvoir interrompre l'autre, tu vois, pour repartir dans une nouvelle direction. Ça, il y a une question de pression sociale dans le sens où effectivement, et puis il y a toujours le fait qu'il y aura toujours des frictions. Si par exemple moi j'ai absolument envie d'explorer ce donjon, voilà, il y a un donjon, j'ai envie d'y aller. Ouais, mais si les autres joueuses ils veulent pas, on essaie d'arbitrer, et l'arbitrage il se fait la majorité, hein, voilà. Et puis il y aura toujours quelqu'un de frustré, quoi. Et c'est pareil, là, je reparle un peu de structure politique, mais le consensus, donc ce qui est le plus proche de la vraie démocratie, donc une démocratie directe qui fonctionne par consensus, le consensus prend un temps de ouf, prend un temps dingue, le consensus pour que tout le monde, pour que personne ne sorte lésé, ça prend énormément de temps d'arriver à un consensus. Voilà. Je pense que toutes les personnes qui ont été. Je pense que c'est peut-être important de remettre la frustration dans le jeu, en fait, de comprendre que une partie de jeu de rôle, elle est aussi faite de frustration, et peut-être aussi de retrouver une sorte de fertilité à ces frustrations, se dire j'ai pas pu aller dans le donjon parce que les autres voulaient aller ailleurs. Et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'intéressant dans l'expérience, tu vois, du fait de ne pas avoir pu aller là, en fait. Moi, j'ai tendance à trouver que ce que les personnages ne font pas. Peut être tout aussi signifiant que ce que les personnages font, quoi. Et je pense que ce serait intéressant de voilà, en fait, le truc de sacraliser le contrat de table et de sacraliser qu'on doit absolument satisfaire les attentes de tout le monde, eh bien, je pense que si c'est poussé à l'extrême, c'est malsain. Et je pense qu'on doit retrouver cette frustration, peut-être même cette part d'ennui, en fait, et de réapprendre à danser avec, en fait. Je sais pas si je suis clair, mais bon, voilà. Embrasser la frustration, ouais, bien sûr. Après, ouais, moi, je suis pas. Certaines mesures, bien sûr. Ouais, après, voilà. Après, je pense que voilà, on pourrait pouvoir en discuter. Mais après, moi, ce que je pense, c'est que finalement, pour conclure un peu sur le contrat de table, premièrement, moi, je vais enfoncer. Je vais dire, c'est une arnaque. Voilà, ça, c'est mon premier point. C'est une arnaque, voilà. C'est une arnaque qu'on nous vend, en plus. C'est du marketing, hein. Donc, on nous vend un super bon Coca-Cola, et en fait, le truc, c'est du soda sans bulle, quoi. Voilà. Le deuxième point, c'est qu'il faut se reparamétrer, en fait. Se reparamétrer au cours de la partie, on en parlera dans la dernière partie sur le débrief, mais se reparamétrer, ouais. Recaler ses attentes, et puis, dans le pire des cas, il y a toujours la possibilité de le rompre, le contrat. Et on dit, moi ça ne me convient plus, je m'en vais, je vous laisse jouer entre vous, quoi. Voilà, hein, c'est. Ouais, ouais. Voilà. Ouais. Moi, je conclurai comme ça sur le contrat de table. Je sais pas si tu as encore d'autres choses à dire avant qu'on passe. Ouais, non, c'est très bien. Ouais, de ne pas hésiter à vous casser. Je pense que c'est très bien des fois. La suite, donc, c'est le world building. Donc, le world building, en fait, c'est l'idée qui est très présente, notamment dans les jeux propulsés par l'Apocalypse, mais dans d'autres jeux. Hein, on va se faire une session zéro où on va imaginer ensemble le bac à sable, l'univers. On va l'imaginer en commun, quoi. Donc c'est de la narration partagée, mais avant que commence vraiment la partie, d'accord ? Ouais. Et donc évidemment, comme tu l'as deviné, j'ai plein de choses méchantes à dire là-dessus. Et t'as peut-être envie d'en parler un peu avant que je dise toutes mes méchancetés. Bon, alors moi le world building, je suis mitigé, on va en discuter après. Moi je trouve que comme c'est des PBTA, c'est très cool. C'est très cool, sauf que moi j'ai fait beaucoup de one shot de PBTA où on faisait aussi une world building. Et il y a des gens qui kiffaient. Moi je trouvais que ça prenait du temps sur la partie, en fait, sur la fiction qu'on allait voir. C'est arrivé par exemple que pour The Sprawl, on passe une heure à mettre en place l'univers qui n'a quasiment pas servi, hein, soyons clairs. Hein. Voilà. On avait des trucs super cool et tout, et finalement c'était du décor. On s'est bien amusé, mais ça n'a pas servi énormément. Et au final, est-ce qu'on n'aurait pas gagné à avoir un setting déjà existant comme dans Metapol, d'ailleurs pour lequel Thomas a travaillé, il a fait un setting qui s'appelle Oshimin, je crois, pour Metapol. Ouais, c'est ça. Donc, et moi j'ai passé plus d'une heure à faire le world building pour le coup. et en fait concrètement, on passe du temps en fait. Et qui, alors par contre en campagne c'est différent. En campagne je trouve ça vachement cool de passer une session entière à définir l'univers dans lequel on va évoluer. Je trouve que ça apporte une. Ce qui est important là-dedans, c'est l'implication. C'est-à-dire qu'un joueur va se sentir plus, à mon avis, plus impliqué, plus immergé aussi dans un univers qu'il aura contribué à créer. Pour moi, il va y avoir une immersion plus importante qui est liée à l'implication. Bon, je me répète un peu, hein, pardon. Mais voilà. Ici en campagne, moi, je trouve ça tout à fait gérable, hein, de dire, bah voilà, on se cale, on passe une session entière. À définir un peu dans lequel l'univers va évoluer. Ça peut être par exemple par le biais de tables aléatoires, ça peut être par le biais de brainstorming. Hein. En général, la plupart des jeux qui intègrent du world building ont une espèce de liste de questions comme ça, c'est le cas dans les PBTA, hein, pour orienter un peu les possibilités. Et je trouve ça assez stylé, en vrai. Moi, pour une campagne, je trouve ça assez stylé. C'est un peu deux écoles, hein. On avait un peu parlé dans le podcast sur les univers profonds, mais c'est un peu deux écoles, c'est l'univers un peu mou ou l'univers déjà très très cohérent. Le problème de l'univers très très cohérent, bah, c'est que finalement les joueurs vont peu se saisir, j'ai l'impression, de tous les éléments parce qu'ils n'auront pas accès au livre, hein, tout simplement. Ils n'auront pas accès au livre de l'or, et finalement bah, c'est le MJ qui a accès et qui va décider s'il distille du l'or ou pas. Alors que si le world building il est fait en commun, en partagé, bah, tout le monde a le même univers mental, tout le monde a la même encyclopédie mentale, ouais, et voit ce qu'il a en tête. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Tout le monde peut l'évoquer. Donc, moi, je suis assez favorable au world building. Le problème, je lis un peu le plan, mais le problème, c'est un peu, effectivement, ce qu'on en parlait, c'est un peu le gonzo. C'est-à-dire de se retrouver par rapport à des trucs complètement what the fuck, complètement absurdes. Et puis pareil, la discussion du consensus, quoi. Si jamais, moi, j'ai vu ça sur du The Mask, pas un peu BTA. Si jamais il y a un joueur qui propose des trucs qui sont complètement débiles, bah t'es en PBTA, t'as envie de lui dire ouais, écoute, c'est de la merde ce que tu proposes, mais en fait tu peux pas trop, quoi. Parce que voilà, et des fois t'as des trucs, tu fais ouais, avec l'enfer. Si tu veux un setting un petit peu pour masque, un super héros un peu dark, mais que tu fais un world building en commun, et puis qu'il y a une joueuse qui dit bah en fait il y a une faction, c'est des mimes avec des klaxons, tu vois. Ben, tu fais quoi si tu lui dis non mais c'est débile ton truc, c'est pas du tout dans le ton, ou alors tu dis bah non, au nom de la démocratie, tu lui dis ok, et effectivement tu te retrouves avec du gonzo, ou tout simplement, des fois avec tout simplement une surabondance de factions. Je pense qu'il y a un truc qui peut aider par rapport à ça, c'est... Ah, attention, c'est toujours un peu pareil, c'est des grands mots qu'on balance comme ça, on l'a dit, la partie de jeu de rôle est en elle-même chaotique, mais c'est d'avoir la même encyclopédie mentale, comme je disais tout à l'heure, c'est un terme de je sais plus qui, j'ai lu ça dans jouer avec l'histoire chez Pinkerton Press, mais je sais plus qui en parlait, dans le cadre d'un jeu de rôle historique, en fait il faut que les gens aient la même vision de l'histoire. Voilà. De l'histoire historique. Hein, voilà. Et donc, ouais, moi, je pense que pour faire un world building cohérent, ce qu'il faut, c'est réaffirmer le canon esthétique. C'est ça un peu l'éléphant dans la mare. Hein. C'est le canon esthétique. Ce qu'on veut émuler, est-ce qu'on veut émuler plutôt du dark, est-ce qu'on veut émuler plutôt du soft, est-ce qu'on veut avoir des éléments comiques. C'est vraiment se mettre d'accord sur le canon esthétique. Par exemple, tu dis on va faire du KPDP. Eh ben, il y en a, ils auront peut-être une vision de l'histoire un petit peu comme dans Te Deum pour un massacre, donc un truc très historicisant, tu vois, très sérieux. Et puis il y en a, en fait, ils vont avoir les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas, avec, puis même plutôt la version hollywoodienne des Trois Mousquetaires, tu vois, avec des combats d'escrime absolument échevelés, des intrigues politiques, en fait, qui sont largement fantasmées, largement éloignées du réel. Bon, je sais que c'est pas tout à fait la même époque, hein. Les deux trucs que je cite, il doit y avoir quelques années d'écart. Mais bon, grosso modo, on va vite avoir des visions très, très différentes. Sur quoi on se base, quoi. Ouais. Ouais. Moi, je pense que là-dessus, pour. C'est pareil, ça vient de jouer avec l'histoire, hein, ça aussi. Très bon livre que je conseille. En fait, c'est soit on s'appuie sur le genre. Et on dit, bah, nous, on veut émuler tel genre. Voilà. Soit on va même plus loin et on dit, par exemple, on va faire du masque à la Young Justice. Voilà. Et donc, tout le monde, donc, voilà, les gens qui voient ce que c'est Young Justice. Donc, en fait, tu cites une œuvre. Le problème, c'est qu'il faut que les gens la connaissent. Hein, ça, on aura toujours des problèmes. De toute façon, mais tu te dis, bah, on va faire de la fantasy à la The Witcher. On va faire de la fantasy à la Dragon Age. Et c'est pas la même chose. Voilà. Mais du coup, à ce partir de ce moment-là, est-ce que c'est encore pertinent de faire un world building? Parce que si t'as carrément une œuvre de référence, tu vois, bah en fait, le world building, c'est faut juste reprendre les factions de l'œuvre de référence, quoi. Faut juste reprendre le lore. Bah, moi, je pensais plus au canon que lore. En fait, je pensais plus au canon esthétique. Si on fait un truc à la Dark Souls, par exemple, on n'est pas obligé de reprendre la mythologie de Dark Souls. Ça. Mais on va essayer d'être dans cet esprit-là un peu. Dark fantasy avec beaucoup de morts vivants, un truc très désespéré. Alors le souci, c'est qu'il faut que ce soit des œuvres qui parlent à tout le monde, quoi. Il faut que ce soit des œuvres qui parlent à tout le monde. Et encore une fois, ce sera toujours pas parfait parce qu'il peut y avoir, par exemple, si je prends l'exemple de Star Wars, voilà, c'est un mauvais exemple, mais dans Star Wars, tu peux tout faire. Tu peux aussi faire de la comédie romantique. Il est hyper dilaté, voilà. Quoi. Tu peux faire de la rom-com, de la comédie romantique. Et tu peux faire un truc super dark, super gritty où il n'y a pas de Jedi, il y a la Horde d'or avec du terrorisme, quoi, tu vois. Et tu continues, tu vas faire du Star Wars, c'est oui, d'accord, mais quel Star Wars, tu vois. Voilà. Et ça, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut caler avant même de commencer le world building, de dire, on discute en 15 minutes et on se dit, quel est le canon? Quel est le canon esthétique qu'on veut donner? C'est notre focal, tout à fait. Mais ouais, avant de commencer à créer du lore, en fait, il faut d'abord qu'on place une focale, quoi. Si tu veux, moi j'avais deux trois petites méchancetés, comme je disais, à dire sur le world building. Hein, déjà, si tu veux, un truc j'avais pas mis dans le plan, mais ça me vient en réaction à ce que tu as dit. Moi je trouve que si tu veux, quand on met en place un world building collaboratif, le problème c'est que derrière les jeux ou les MJ sont pas forcément bons à exploiter ce world building. Je vais prendre un exemple, une campagne de Dungeon World où j'étais joueur. Alors, c'était pas tout à fait un world building, mais ça s'en rapproche. C'est-à-dire que le MJ dit « Ouais, en fait, moi, j'ai préparé une ville. » Il nous présente un peu sa ville, tu vois. Il nous présente un peu les factions. Et en fait, il nous a dit « Qu'est-ce que vous voulez faire qu'est-ce que vous voulez comme enjeu pour la campagne ?» Et donc, entre joueurs, on s'est mis d'accord sur « Ah oui, en fait, dans ta ville, il y a une faction d'esclavagistes. » Voilà, l'esclavage, il est légal dans cette ville, et donc ces gens-là, légalement, ils ont le droit de capturer des gens, de les vendre en esclaves, tout ça, d'en faire commerce. Et nous, on a décidé que, enfin, le groupe de joueurs, on avait décidé que notre objectif pour la campagne, ce serait de les faire tomber, en fait, de faire tomber des esclavagistes. Et le MJ ne fait pas de soucis, en plus, je pense qu'il était sincèrement enthousiaste de faire de la narration partagée, tout ça, du truc collaboratif. Donc il dit, il n'y a pas de soucis, on part là-dessus. Donc on fait une première partie, on a une première échafourée pendant un marché aux esclaves, donc on arrive, on commence à taper sur les esclavagistes. Donc première échafourée, première petite victoire, mais aussi premier revers, quoi. Et puis à l'issue du coup donc Dungeon World, c'est du propulsé par l'apocalypse, donc à un moment on fait un 7+, tu vois, on fait une réussite un peu mitigée, ou on fait un échec, je sais plus. Et du coup, le MJ, à mon avis, il applique un principe, ou alors il fait vraiment un truc qui lui passe par la tête, qui n'a rien à voir avec les règles d'Apocalypse World, ça je ne saurais jamais. Mais grosso modo, il nous dit, oui, bah en fait, la mafia de la ville vient vous voir et vous explique, grosso modo, vous êtes vraiment des empêcheurs de tourner en rond et qu'on va vous laisser la vie sauve, mais à condition que vous fassiez telle telle mission pour la mafia. Et donc nous, bon gré mal gré, on est un peu obligé d'accepter en se disant, on va rebondir, enfin voilà, on va trouver un moyen de louvoyer. Mais du coup, en fait, la mafia nous envoie carrément à l'autre bout de la map. On traverse le désert, on va dans une autre ville et on doit faire des missions pour la mafia qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire que grosso modo, la promesse de campagne, la promesse de commune de campagne, elle a éclaté au terme d'une séance. Au terme d'une séance, cette promesse de campagne, elle était détruite. Et ça, je pense que c'est soit parce que, bah, déjà, je pense que Apocalypse World et enfin les PBTA. Alors, il y a un peu, il y a censé avoir une intégration du world building, puisque en fait, t'es censé le MC, il va censé être monter des fronts et des menaces à partir du world building, tu vois, qui vont être ses leviers principaux. Donc, est-ce que notre MJ l'a fait, je sais pas, mais en fait, je pense que même en l'ayant fait, il était quand même justifié à faire ce qu'il a fait, nous poser ce délai qui me paraissait assez insupportable, parce que suffit qu'on ait fait un échec et que du coup, enfin voilà, les règles l'obligeant, tu vois, tu sais, le principe du propulsé par Apocalypse, c'est ce qu'on appelle le tumbling forward, c'est-à-dire que oui, tu vas aller vers ton objectif, mais grosso modo, tu vas avoir tellement, à chaque fois que tu vas faire une réussite mitigée à un échec, tu vas avoir plein de sous-conditions qui vont s'empiler. Donc en fait, grosso modo, moi je trouve que structurellement, le jeu est quand même t'éloigne beaucoup en fait de la réussite. Bon bref. Donc ça c'est pour dire que dans ce cas précis, moi j'avais l'impression que notre MJ ou le jeu qu'il utilisait n'était pas très bon pour exploiter le world building et pour permettre en fait de rester dans les clous du world building. Très rapidement, on a très très vite dévissé et il n'y a rien qui pouvait l'en empêcher. Alors, Ouais, vas-y, t'as déjà une réaction là, par rapport à ça, ça. là, ça paraît un peu étrange, hein. Je pense qu'effectivement, c'est peut-être plus un souci du OMJ, hein. Je pense que normalement, enfin, déjà, le fait de vous faire traverser tout un continent pour vous changer de ville, alors que j'imagine que c'est la ville que vous aviez créée en commun, ça me paraît être un peu une rupture de contrat de table. Voilà. Ah. Donc, Or, on ne l'avait pas créé en commun, c'est lui qui avait créé la ville. Hein. C'est pour ça que je dis que c'était un peu un faux world building. Mais par contre, il nous avait demandé de définir l'objectif du groupe. Donc, on avait clairement défini que l'objectif de la campagne, ce serait de faire tomber les esclavagistes qui étaient localisés dans cette ville, quoi, principalement. Ouais, bah peut-être qu'ils voyaient pas où ça allait. Bon, après, c'est à quel point le MJ aussi accepte les phares de ses joueurs aussi, hein. Peut-être Mais que ce que peut-être je veux aussi dire, c'est qu'en c'est. fait, des anecdotes comme ça, on en a des kilos, en fait. On en a des Ah oui, kilos. c'est sûr. Là, je prends celle-là au hasard. Mais le nombre de fois où tu as créé ton background de personnage, et en fait, le MJ, il n'a jamais la possibilité d'exploiter. Et du coup, bah, je trouve que le world building, ça met ça au carré, en fait. C'est que dès que tu mets une petite demande, c'est compliqué pour le MJ, tu vois. Même quand il est de bonne foi, parce que je pense vraiment que notre MJ était de bonne foi. Même quand le MJ est de bonne foi, c'est compliqué de respecter un petit peu. Les petites requêtes des joueurs, parce que ça implique souvent de partir dans tout un tas de directions en fait. Je veux dire, si t'as quatre personnages, tu vois, t'as quatre personnages à ta table, ils ont tous leur intrigue perso, leur background et tout, comment tu fais pour donner à manger à tout le monde? C'est hyper compliqué quoi. Donc, bref. Et donc, je trouve que le world building, ça rajoute encore plus de boulot pour le MJ de, tiens, voilà, t'as tout ce cahier des charges à tenir quoi. Et en fait, on n'y arrive pas. Bah après peut-être, encore une fois, peut-être qu'il y a les techniques, hein. Moi je voulais venir à un point là que j'ai eu tout à l'heure, mais il y a les techniques. Par exemple, c'est bah, tout con, hein. Tu prends des notes, en fait. Tu prends des notes sur le world building, et après, toi, en tant que MJ, bon, effectivement, tu as une charge mentale de ouf, hein, mais tu reprends ton document univers. Et bon, généralement, c'est pas non plus un document qui va faire 1000 pages, hein, voilà. Mais et tu prends cet élément-là et tu vas utiliser ce document-là pour créer des intrigues, quoi. Bon, Ouais, c'est moi, ça. Il je faut viens de penser. le world building, il faut à tout prix qu'il soit remis en mécanique, comme tu l'as dit. Ça veut dire aussi se créer des tables aléatoires. Par exemple, dans Influenza, je pense que ça peut fonctionner. Enfin, c'est pas parfait. Hein. Dans Influenza, on joue jamais tout le world building. Mais dans Influenza, en fait, si on fait un world building en commun, ensuite, on va l'injecter dans une table aléatoire qui est le tableau des thèmes, qui est une table aléatoire que tout le monde doit utiliser, tu vois. Toute la table doit l'utiliser. Et donc, Ah, ça c'est ça va super. quand même consolider le recours à ce qu'on a préparé ensemble comme univers. Il y a un cas comme ça aussi dans What Lies Beneath the Darkness, où tu as ce qu'ils appellent une matrice. Bon, en fait, la matrice c'est juste une table aléatoire, hein, mais qui est très bien faite. Donc c'est 6 fois 6, je crois. Donc tu lances des D6, hein, voilà, bon, en fonction de voilà. Je connais plus trop la mécanique, mais en gros, le D6 va te donner des éléments de l'or. Et en fait, c'est en fait eux, ils conseillent, ils proposent eux de créer leur propre matrice en fait. Donc effectivement, le fait d'implémenter ton lore dans une table aléatoire et comme le dit Thomas, de faire tirer comme des événements aléatoires en fait. Hein. Tu fais tirer sur ces tables aléatoires et là, ça va pouvoir permettre de faire réintervenir ce world building que vous avez créé, ce lore commun dans la fiction en fait. Ouais, moi, il y a un autre problème. Il y a un problème au world building, c'est que je me demande jusqu'à quel point on peut aller parce qu'il y a un potentiel de surprise qui est détruit. C'est-à-dire que bah, tu connais l'univers, c'est toi qui l'as créé en fait. Et en narration partagée, tu vas même te dire mais ce bar-là, c'est moi qui l'ai créé, donc je dis ce qui se passe dedans, etc. C'est pas contre-immersif parce que les autres personnes vont être immergées, les autres joueurs vont l'être immergés, hein, mais toi, tu as un potentiel de surprise qui n'est plus là. Tu vas plus forcément même les autres joueurs, parce que le bar de la chope joyeuse, si tu l'as créé devant tout le monde lors de la session 0, tout le monde connaît l'existence de ce bar. Donc, quand il y a un moment, le MJ dit bon, bah, vous arrivez au bar de la chope joyeuse, bah, en fait, t'es pas surpris, tu sais déjà qu'il existe, et tu sais que dans la cave, en fait, il y a un culte secret aux morts, quoi. Donc, t'es obligé de jouer. Du coup, avec la connaissance des secrets de l'univers, quoi. Alors, il y en a à qui ça pose pas de problème, mais concrètement, ça implique de, pendant que tu vas jouer, de passer à ce qu'on appelle le mode auteur. C'est-à-dire que, comme t'as été co-scénariste de la campagne ou de la partie au moment que t'as fait le world building, eh ben, finalement, tu restes dans cette posture mentale de co-scénariste, même au moment où tu joues. Parce qu'en fait, tu connais déjà les secrets de l'univers, tu n'es pas surpris, donc tu vas perpétuellement jouer, tu vois, un peu en mode ironie dramatique. J'arrive dans cette auberge, mon personnage ne sait pas que dans le sous-sol de l'auberge, il y a un culte aux morts, mais en tant que joueur, je le sais, quoi. Et donc, du coup, je manipule mon personnage, soit pour le jouer totalement naïf et qu'il ne sait pas du tout ce qu'il y a dans la cave, soit au contraire, je manipule mon personnage pour qu'il descende dans la cave, juste parce qu'en tant que joueur, j'ai envie qu'on découvre ce culte aux morts. Mais dans tous les cas, voilà, je ne suis pas, j'incarne pas sincèrement mon personnage, je suis en mode auteur. Moi, à nouveau, personnellement, en tant que joueur, j'ai pas trop de problèmes à jouer en mode auteur, mais faut bien reconnaître qu'il y a énormément de joueurs à qui ça ne convient pas, quoi. Bah, moi personnellement, la posture de l'auteur me dérange pas effectivement non plus, donc j'aurais du mal à me projeter dans une autre situation. Mais après je pense aussi que le world building, il est pas non plus exhaustif, hein. Et puis le world building en général, peut-être faire la transition avec la troisième partie, mais en fait le world building, pour moi, il se fait pas seulement quand début de session, il va aussi se faire pendant la session en fait. Ça rejoint un peu la narration partagée, c'est pour ça que je joue là. Et donc, tu vas pas dévoiler tous les secrets lors du world building, en fait. Tu vas en garder quelques-uns des billes que tu vas pouvoir placer en partie lors de la narration partagée. Voilà. Donc, Et d'ailleurs, tu peux faire la narration partagée sur world building et inversement, hein. Tu peux faire un world building et après, c'est le MJ qui gère toute la narration dans l'univers. Et là, on en parlait, voilà, où il va utiliser une table aléatoire, où il va se prendre un document univers auquel il va se référer régulièrement. Et tu peux aussi faire la narration partagée en cours de partie dans un univers qui est préexistant. Par exemple, Shadowrun Anarchy, bah, le lore, il est là, c'est le lore de Shadowrun, la ville est là, c'est la ville de Seattle, elle est préexistante. Et tu vas pouvoir rajouter, comme on disait, un bar, un gang, une corpo mineure, hein, parce que c'est pas les grosses corpos que tu vas pouvoir rajouter. Et donc, la narration partagée et le world building ne vont pas forcément ensemble, en fait. Tu peux faire l'un sans l'autre, quoi. Ouais, donc bah du coup, très bien. Transition vers la narration partagée. Donc grosso modo, la narration partagée, je vais faire une très rapide redéfinition. En fait, la narration partagée, c'est grosso modo ce qui s'oppose à, on va dire, à la narration classique. La narration classique, c'est tu as un MJ qui va contrôler le décor et les figurants. C'est sa responsabilité de dire ce qu'il y a à dire au sujet du décor et des figurants. Et puis donc les joueurs, elles contrôlent uniquement leur personnage. Leur responsabilité, c'est de dire ce qu'il y a à dire au sujet de leur personnage. Et en fait, on parle de narration partagée dès qu'on commence un peu à brouiller ces lignes. C'est-à-dire que, bah, essentiellement, à partir du moment où tu vas donner un peu plus de possibilités de narration aux joueurs concernant le décor et les figurants. Et évidemment, le summum de la narration partagée, donc on va en parler aussi durant cette partie, c'est le jeu à MJ tournant, voire le jeu sans MJ. Qu'est-ce que tu as envie de dire déjà de premier abord sur ces aspects-là, avant que je déverse du sel sur le concept de narration partagée? Alors, moi j'ai eu des expériences de narration partagée. J'ai eu des expériences ultimes, c'est-à-dire où il n'y a vraiment pas de MJ, où il n'y a pas d'univers préexistant, où il n'y a pas de lore, où il y a juste une mécanique qui est limitée, mais qui sert à orienter la narration, malgré tout. Généralement, c'est des expériences assez cool. C'était en one-shot, quasi exclusivement, hein, c'était quasi que en one-shot. Donc la première question, c'est comment on fait pour faire de la narration comme ça en campagne? Est-ce que ça peut vraiment tenir sur la durée? Et moi, c'était assez cool. C'était assez cool, mais parce qu'on s'était calibré, comme on disait, on s'était calibré sur le ton à donner, sur généralement le jeu nous avait donné une espèce de calibrage en termes de canon esthétique, et ça se passait plutôt bien. Encore une fois, là, c'est un peu une réponse sans réponse, mais en fait, tout dépend des joueuses. C'est-à-dire qu'il va y avoir des joueuses qui vont être plus gonzo que d'autres, et avec elles, ça va être compliqué parfois de les canaliser parce qu'ils vont partir dans toutes les directions. Moi, j'ai fait une partie de protocole, je crois, qui se passait dans un vaisseau spatial. Moi, j'étais parti sur un truc plutôt sérieux à la base, mais on s'était pas calibré, justement. Et les autres étaient vraiment partis sur une espèce de partie complètement gonzo. On était bien plus proche de Rick et Morty que de Star Trek, quoi. Voilà. Donc moi, j'étais un peu déboussolé parce que justement, j'ai bien vite vu que la partie partait en what the fuck total, quoi. Bon, voilà, la narration partagée et ultime, donc extrême, a forcément un potentiel de gonzo, c'est-à-dire de chaotique. Mais ça peut être une expérience intéressante, en fait. C'est juste qu'il faut faut se calibrer sur le cadre esthétique, quoi. Bon, donc voilà, moi je trouve ça plutôt stylé, du 100MJ. Par contre, je pense que ça demande des joueuses, quand on le fait dans un univers préexistant, une bonne connaissance de l'univers et du cadre esthétique. Voilà. C'est ce que je commencerai par là, quoi. Voilà. Donc, il faut du calibrage, quoi. Il faut du calibrage sur le canon et sur l'univers, quoi. Moi, par exemple, je ne jouerai pas à une narration partagée en tout CMJ. Je n'y jouerai pas, par exemple, avec des joueurs qui connaissent pas tout, des joueuses qui connaissent pas tout l'univers de Vampire, quoi. Si on fait de la narration partagée sur du Vampire, il faut que tout le monde ait un niveau MJ, quoi, en fait. Voilà. Voilà. Ouais, je réagis sur un de tes points, puis après je vais dérouler ce que moi j'avais prévu de dire. Sur ce truc de calibration sur le canon esthétique et univers, moi ce que j'ai constaté, donc moi je fais beaucoup de 1000 vo en 100 MJ et tout, et j'ai même fait notamment du 1000 vo où donc j'ai animé des parties 1000 vo 100 MJ où moi j'étais juste, j'expliquais les règles et je jouais pas, j'avais pas de personnage, je n'avais pas non plus de rôle de MJ, je me contentais de faciliter les règles. Et en fait, c'est les quelques parties que j'ai fait comme ça, c'est les plus frustrantes, en fait. C'est-à-dire ne pas avoir du tout de contrôle sur la façon dont les personnes s'emparent du canon esthétique, c'était très très frustrant pour moi, en fait. Parce que généralement, en fait, les personnes produisaient, même à partir de prompts que moi j'avais rédigés, puisque là du coup on parle de l'expérience que j'ai faite avec Biomass, qui est un jeu à prompts, où en fait l'univers de Minouveau va être transmis par des prompts, et bien en fait... la façon dont les joueurs utilisaient les prompts, généralement, me convenait pas du tout, quoi. C'était assez, assez frustrant comme expérience. Après, c'est quelque chose peut-être à moi d'accepter, de lâcher prise et tout, quoi. Hein. Mais ça veut aussi dire que, en fait, concrètement, pour mon plaisir tout à fait égoïste en tant que joueur, je parle pas en tant qu'auteur, pour mon plaisir tout à fait égoïste, je sais que des parties de 1000 vaux où je suis pas joueur, où je vais juste expliquer les règles, je ferai plus, en fait. C'est beaucoup trop frustrant. J'ai besoin quand même de, quand je joue, d'avoir mon mot à dire et tout. Et même si effectivement mon mot il pèse plus qu'un autre, puisque je suis auteur, évidemment je suis auteur de l'univers de 1000 vaux, donc ma parole elle est même si j'essaye, tu vois, d'être conciliant, tout ça, et de laisser une place aux idées des autres, ma parole elle a forcément un poids important. Mais des problèmes de canon esthétique dans les parties sans MJ, j'en ai eu des tonnes. Par exemple, une fois, j'avais essayé de faire une partie avec l'univers des Backrooms. Enfin, si vous connaissez, bon, grosso modo, c'est un univers d'horreur. C'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est un univers que tu vas trouver sur Internet. Et donc, on a joué dans l'univers des Backrooms avec le jeu de rôle Weird. Alors, c'est qui est un jeu, voilà, en narration partagée, quoi. Et l'idée, c'était que chaque joueuse était censée se renseigner un petit peu sur les backrooms avant de commencer la partie. Mais concrètement, si tu veux, les joueuses, elles ont commencé à produire leur vision des backrooms. Alors, des fois, j'utilisais des trucs qui étaient canons dans les backrooms, mais que je connaissais pas, qui me semblaient pas du tout conformes à l'idée que je m'en faisais. Et des fois, elle faisait des inventions qui me paraissaient pareil, totalement et vraiment dénotées avec l'univers et tout. J'avais ressenti beaucoup de frustration à cette partie. Et c'est pas à nouveau, tu vois, c'est vraiment un truc structurel, c'est que j'en veux pas aux joueuses d'avoir apporté leur propre imaginaire, parce que c'est exactement ce qu'un jeu comme Weird propose. C'est un jeu à narration partagée, c'est un jeu où tu vas apporter ton propre imaginaire. Mais il faut savoir que voilà, quand on met en commun nos imaginaires, bah, des fois il peut y avoir des frustrations. Et à nouveau, remarque, au début j'ai dit qu'il fallait épouser la frustration, je vois bien que moi-même j'en suis pas forcément toujours capable. Oui, vas-y, merci, je crois que t'as une réaction. Alors, je pense qu'il y a plusieurs notions dans qui me sont évoquées dans ce que tu dis. Déjà, moi, j'ai fait du 100 MJ sur plusieurs jeux, Protocol, Ribbon Drive, et puis j'ai joué aussi avec Melville à Se Souvenir de Novembre. Et donc là, on était dans une position un peu comme celle que tu décris, avec une autrice qui facilite la partie. Et en fait, Melville, elle s'est mise tout de suite en retrait, en fait, et nous a laissé jouer comme on l'entendait à son jeu, ce qui demande effectivement un certain esprit de sacrifice, hein, parce que bon, voilà. Et en fait, il y avait, je crois que dans les jeux et les couleurs de l'amitié, il y a un principe de ce que je veux voir, ce qu'on verra, ce qu'on ne verra surtout pas, ce qu'on peut voir, et ce que je ne préfère pas qu'il soit là, quoi. Voilà. Donc, c'est une forme d'outil de sécurité émotionnelle, mais ça permet aussi de donner un peu le canon, un cadrage, artistique. Un cadrage artistique, c'est ça. Donc, ça sert à la fois d'outil de sécurité émotionnelle et à la fois d'outil de cadrage, pas en termes de lore, mais en termes de fiction, quoi. Et puis, il y a pas mal de choses encadrées, parce que dans ce Souvenir de Novembre, ça se passe dans une maison, il y a une notion de pièce, donc chacun raconte une partie chacun s'accorde un domaine de compétence sur la narration. Ça, je trouve ça assez bien, d'ailleurs, de pas partir forcément sur du full gonzo, mais de dire, toi, tu vas t'occuper de la météo, toi, tu vas t'occuper des inconnus, des étrangers, toi, tu vas t'occuper de cette pièce-là, c'est bien qu'un jeu de rôle sans MJ, mais je pense que par le fond, calibre la narration en disant chacun a ce morceau de la narration et pas toute la narration. Ce qui permet un peu d'échapper au gonzo, à mon avis. Pour ce qui est de la partie sur les backrooms, effectivement, c'est compliqué parce que là, on est sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que tout le monde n'a pas la même histoire encyclopédie, tout le monde n'a pas le même univers mental. Donc, je pense, soit on lâche du lest complètement, on donne un petit document d'une page à lire avant la partie et dire, c'est ça qu'on va émuler. Soit on accepte l'idée qu'effectivement, on part sur chacun son univers mental, voire même des gens qui n'ont pas d'univers mental. Moi, j'avais joué une partie et une campagne sans MJ, hein, donc Sacred Challenge, dans l'univers de Lost. La série Lost, elle est disparue. Et le truc, c'est qu'il y avait des gens à table qui n'avaient jamais vu Lost, qui ne savaient pas du tout ce que c'était, quoi. Il y en avait d'autres qui étaient des grands fans. Franchement, c'est vraiment opération tirage de balles dans le pied, là. Ouais, il y en avait qui connaissaient très très bien, et il y en avait qui connaissaient un peu, quoi. Et au final, je sais pas trop ce qu'on a fait. Je suis pas sûr qu'on ait vraiment émulé du Lost. Qu'on a émulé d'autres Lost, quoi. Et pourtant, il y avait des outils. Hein. On avait fait ça avec Not The End, qui n'est pas un système sans MJ. Il faut quand même le dire. Mais il y avait des domaines de compétences, des domaines de narration, etc. Et moi, je trouvais que ça marchait pas vraiment pour une raison qui est abordée dans le plan. C'est que finalement, j'ai l'impression que on n'arrive pas vraiment à faire du vrai sans MJ. Il y a toujours une asymétrie qui demeure parce qu'il y a la facilitatrice, il y a celui qui a organisé le jeu, il y a celui qui connaît le système, il y a celui qui a proposé la partie, et tout ça en fait fait que il y a toujours une personne à table qui a plus de pouvoir que les autres, et c'est elle qui va toujours être un peu décisionnaire en dernier recours. C'est vers elle en tout cas qu'on va se retourner si jamais il y a un bug dans la partie. On va se retourner vers elle, tout le monde va la regarder, tu vois, et va dire bon, et maintenant qu'est-ce qu'on fait, quoi. Voilà. Donc moi la symétrie du MJ me pose problème, parce que je pense que le MJ, ça fonctionne quand il y a une autorité bienveillante. Je laisserai Thomas en parler un peu de ce concept, et j'ai l'impression que c'est assez rare en fait de tomber là-dessus. C'est-à-dire que dans l'idéal, il faudrait que le MJ accepte les propositions des joueurs, des joueuses, et qui rebondisse dessus. Il faudrait qu'il soit un MJ qui accepte aussi que comme dans les PBTA, en fait, il faudrait que le MJ soit fan de ses joueuses, en fait. Voilà, pour que ça fonctionne. Voilà. Et l'avantage de le faire de la narration partagée dans du 100 MJ complet, c'est qu'on essaie de casser un peu cette dynamique-là. Le problème, c'est comment ça tient en campagne, comment ça tient sur le temps long. Et j'ai l'impression que ça ne tient pas vraiment, en fait. Hein. J'ai l'impression que, bon, bah, voilà, sur du temps long, bah, ça finit toujours par virer dans du n'importe quoi, dans du, il n'y a plus de cohérence. J'ai l'impression que pour une campagne, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit tenant de la cohérence. Il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit chargé de la cohérence globale, en fait. Sinon, bah, on risque de partir dans toutes les directions et de se retrouver dans un truc qui, moi, personnellement, en termes de fiction, m'intéresse plus forcément, quoi. Ouais. Oui, donc du coup, si tu me permets de reprendre la main sur ce sujet de la narration partagée, de donner mon point de vue, déjà pour répondre très directement à ce que tu viens de dire, oui, donc effectivement, en 100 MJ, on a toujours une asymétrie voilà, qui demeure, soit parce que c'est la facilitatrice. Il y a aussi d'autres compétitions, en fait, pendant une partie 100 MJ, et une compétition un peu à qui va être la joueuse la plus créative, à qui va avoir la direction artistique, tu vois, c'est un peu le cas de notre partie de Weird, en fait. C'est-à-dire qu'en théorie, en tant que facilitateur, je faisais pas grand chose parce que les règles de Weird sont hyper simples. Donc, j'avais pas de boulot de facilitateur. Mais pendant la partie, il y avait une compétition, enfin, non dite sur la direction artistique. Chacun essayait de tirer la couverture à soi, en fait, pour que le canon esthétique aille dans son sens, quoi. Et il y a aussi une compétition à qui aura le plus de temps de parole et tout. Donc, en fait, si tu veux, être sans MJ, ça n'est pas la garantie en fait d'une partie apaisée et d'une partie qui soit sans friction et surtout sans jeu de pouvoir. Alors pour reprendre la posture du MJ, donc dans les jeux avec MJ. Je vais boucler très rapidement sur les positions bienveillantes. Moi, ce que j'ai vu beaucoup passer en fait une espèce de mantra, notamment à gauche, chez les rôlistes de gauche, qui est que grosso modo le MJ, c'est le fascisme, en fait. Si vous jouez avec un MJ, vous jouez une forme de jeu de rôle qui est fasciste. Enfin, c'est-à-dire que, grosso modo, on ne veut pas dans le jeu de rôle ce qu'on ne veut pas en politique, on ne veut pas un chef unique qui décide pour tout le monde. Et moi, cette analogie, je l'apprécie pas du tout. Je l'apprécie pas du tout. Parce que justement, c'est juste une analogie. Pour moi, c'est pas un raisonnement qui est opératif. Dans le sens qu'en fait, même une partie de jeu de rôle avec un MJ stupidement dirigiste, ton MJ n'est pas fasciste. Ton MJ, il ne te tient pas en otage. Tu peux te barrer, tu peux gueuler, tu peux faire plein de choses. Tu peux exercer tout un tas de contre-pouvoirs, et c'est juste un moment, entre guillemets. On décide dans un moment très limité, qui est juste le temps d'une partie. On décide qu'une personne va avoir l'autorité sur un aspect. Donc le MJ, il a un mandat pour un temps limité, qui est le temps de la partie. Et ce mandat, il n'est reconductible que si on estime que le MJ a bien fait son boulot. Parce que si tu n'aimes pas la façon dont le MJ maîtrise, eh bien, la prochaine fois qu'il va te proposer une partie, tu vas lui dire... Oui, mais là, j'ai aquaponé, en fait, sur 2 mois, tous les soirs, je vais pas pouvoir... Enfin, bon, bref, si t'es assertif, tu vas dire, non, mais t'es à chier, je continue pas la campagne avec toi. Et si t'es un petit peu, comme moi, un petit peu conflict avoidant, tu vas inventer des pieux mensonges pour pas rejouer. Donc, et si à faire, ton MJ va rien faire, en fait. Donc, ton MJ, c'est pas un tyran fasciste. Voilà, bon, c'était un peu mon coup de gueule. Voilà, le MJ c'est pas le fascisme. Je pense que vous faites du quand vous dites le MJ c'est le fascisme, vous faites juste du militantisme mal placé. Il y a un peu cette idée en fait d'importer du militantisme dans le jeu de rôle. Alors bien sûr qu'il faut du militantisme dans le jeu de rôle. Je dis pas qu'il n'en faut pas, mais des fois c'est juste en fait pour se placer dans une zone de confort en fait où en fait. Tu vas être dans un lieu où tu vas faire du militantisme, en réalité, il n'y aura pas une réelle résistance, parce que tu vas t'attaquer à des problèmes qui existent pas vraiment et tout. Et bon, bah, on est bien d'accord que c'est plus confortable que d'aller en manif et de risquer de se prendre des tirs de LBD. Donc, je jette pas la pierre à celles qui font ça. Hein. Mais en réalité, je pense que il n'y a pas vraiment de débat politique à avoir à ce sujet-là. Enfin, moi, j'ai pas l'impression. Ceci dit, vas-y, merci. Sans dire que le MJ c'est le fascisme, c'est un terme qui est un peu outrancier, voilà. Moi, personnellement, en tant que joueur, j'ai beaucoup eu de problèmes face à des MJ, quoi. Des MJ qui étaient, c'est même plus du dirigisme, mais qui étaient des MJ entre guillemets sadiques, des MJ qui qui était là pour mettre du bâton dans les roues. Récemment, par exemple, j'ai des parties où les MJ ils changent la mécanique du système pour nous mettre dans la sauce, alors que la mécanique fonctionne de base, hein, voilà. J'ai aussi des situations, bah voilà, on connaît les fameux exemples de John Wick. Il y a quand même beaucoup de fois où en fait je me dis, bah voilà, le MJ, effectivement, il est, j'ai l'impression pour beaucoup de gens qui sont un peu des joueurs tradis, des joueurs à l'ancienne, c'est pas moins le cas aujourd'hui, il y a des résolutions, mais il y a pas mal de gens qui pensent encore que le MJ a tous les pouvoirs, quoi. Et des MJ qui se disent, bah, parce que ça fait du bien à l'ego, parce qu'ils se sentent mieux, parce que dans leur vie, ils ont du ils galèrent, et là, ils se disent, bah ouais, là, j'ai un peu de pouvoir, et on le sait, hein, quand on a du pouvoir, généralement, il est aisé d'en abuser, quoi. Je sais pas, je veux dire, je suis fasciste, mais en fait, j'ai plus rencontré des MJ chiants, j'appelle ça comme ça, c'est pas des sadiques, hein, mais des MJ chiants qui sont un peu mal dans les roues, et puis il y a beaucoup de vannes comme ça aussi, on voit que c'est quand même un truc qui est aussi un peu, mais où les gens ils se font appeler Dieu, où les gens ils se font appeler maître du monde. Bon, alors c'est lourd, hein, mais bon, des fois ça passe pas très bien, on voit des gens disent oui, c'est moi le MJ, donc rêvez pas, c'est moi qui décide et tout. Je veux dire, aujourd'hui on voit quand même qu'il y a de plus en plus de jeux qui essaient de faire de la narration partagée. Même Donjons et Dragons, il me semble, a des aspects de narration partagée. Je sais pas ça, hein, mais j'avais vu ça quelque part, j'ai entendu ça quelque part. Et la posture du MJ toute puissante, elle pose toujours un vrai problème, quoi. Donc, même si parfois, comme je le dis, ça peut aussi avoir du bien, parce qu'effectivement, même dans une structure politique anarchiste, hein, il y a quand même des leaders. Il y a quand même des leaders, il y a quand même des gens qui sont plus charismatiques que d'autres. Qui ont des meilleures idées que les autres, des gens qui sont plus légitimes que les autres. Voilà, il y a le principe du mandat impératif, on va pas forcément pas trop parler politique, mais comme disait Thomas, c'est-à-dire que bon, bah, le MJ, on lui accorde un mandat temporaire qui peut être mis en question. C'est un peu le principe du contractuel de Rousseau, c'est-à-dire que bon, bah, j'accepte d'abandonner mon pouvoir jusqu'à un certain point, en fait. C'est un peu la démarche. Plus par exemple des joueuses immersionnistes en fait. Les immersionnistes, elles ont tendance à rechercher des MJ qui sont très englobants parce que comme ça elles peuvent se centrer sur leur personnage et en fait c'est important quand tu as une démarche immersionniste en tant que joueuse d'abandonner une bonne part de contrôle en fait. Mais ça reste un mandat impératif, c'est-à-dire même quand tu as une démarche immersionniste, à un moment peut-être en fait, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer de chercher à identifier des systèmes, tu vois, qui serait tyrannique, autocratique, tout ça, je pense qu'on gagnerait plus à s'entraîner à identifier en fait des MJ toxiques. Là, pour le coup, tu vois, je pense que c'est plus un problème de personnes que de système. Et voilà, ça c'est un trait. Et du coup, si on commence à penser que c'est le système de JDR traditionnel dans son ensemble qui est fasciste, toxique, et que le jeu sans MJ, c'est libératoire collectif, je pense qu'on va dans le mur. Et je pense qu'on gagnerait plus à s'entraîner, à identifier, en fait, quelles sont les personnes toxiques à la table. Alors, toxique, évidemment, c'est hyper subjectif, mais au moins toxique pour nous, tu vois. Et à voir comment faire avec ces personnes toxiques. Généralement, il n'y a pas grand-chose à faire de plus que de ne pas jouer avec elles. Hein. Spoiler. Même si on en reviendra, je pense que des fois on peut s'accommoder de personnes un petit peu toxiques. Il y a un vivre ensemble qui est possible, mais la plupart du temps, il faut juste pas jouer avec. Donc la question pour moi n'est pas de savoir, ah ben il y a un MJ, c'est forcément un tyran. C'est plutôt, est-ce que j'ai un MJ qui est toxique ou est-ce que j'ai un MJ qui est dans l'opposition bienveillante. Donc tu m'as demandé de le définir, donc je vais le faire maintenant. Donc l'opposition bienveillante, c'est un terme qui est proposé par Jérôme Larré et Coralie David dans la boîte à outils du meneur de jeu et qui est un peu défendu par eux deux, ben comme étant la bonne façon, enfin entre guillemets la meilleure façon d'être MJ dans un jeu de rôle traditionnel. Donc le MJ qui exerce une opposition bienveillante, c'est plutôt un MJ qui a au niveau du contrôle de la narration, ben il n'y a pas vraiment de narration partagée. Le MJ contrôle le décor et les figurants, on est sur un dispositif classique. C'est un MJ qui est plutôt ferme, c'est-à-dire que le MJ qui exerce une opposition bienveillante, il va te mettre des bâtons dans les roues, il va te mettre une adversité. C'est pas un MJ bisounours qui va te permettre d'éclater ses boss facilement, tout ça, non, pas du tout. Hein. Ça peut être, il peut y avoir pas mal de frictions, pas mal d'adversités durant la partie, mais garde en tête que le but souverain, c'est quand même l'amusement des joueuses. C'est-à-dire que cette adversité qui est mise en place par le MJ est là pour objectif final l'amusement des joueuses. Alors soit parce que au final les personnages vont triompher de l'adversité et du coup ça va raconter une histoire héroïque et on va dire on en a chié mais on a gagné, tu vois, ou soit parce que on est plutôt dans une optique horreur où les joueuses vont pas triompher de l'adversité mais c'était ah oui, on s'est fait massacrer mais c'était cool. Enfin grosso modo, donc c'est le MJ qui est dans une opposition bienveillante, il a beaucoup de pouvoir mais sa boussole principale ça reste l'amusement des joueuses, et donc ça nécessite quand même pas mal de psychologie, et ça nécessite, sinon de la concertation, au moins quand même régulièrement, s'enquérir de l'état d'esprit de sa table pour voir si on est dans la bonne direction, quoi. Et ça, je pense que ça peut être une voie tierce, en fait, vers une harmonie de table. Je trouve une autre voie que la narration partagée qui me semble désirable. Moi, je pense qu'il y a, deux facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Déjà si on veut. Là, finalement, là, je vais bien faire des catégories, hein, tout le monde le sait, mais ouais, il y a trois gros, quatre ou cinq phénomènes. Le premier phénomène, c'est qu'on fait une narration partagée totale. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a aucun MJ. Il y a une facilitatrice, un facilitateur, mais c'est tout. Le deuxième point, c'est. On a une narration partagée, mais il y a quelque chose qui encadre ça. Ça peut être un univers, ça peut être un système, bon voilà. Il y a quand même une mécanique qui sert de MJ, entre guillemets, parce que la mécanique est là pour vous donner des pistes de structure. La troisième possibilité, c'est de faire un jeu de rôle tradit, mais avec des éléments de narration partagée. Ça, je vais y revenir dans un instant, parce que c'est ce qui, moi, à mon sens, qui me convient le mieux. Il y a l'autorité bienveillante du MJ, mais il n'y a pas de narration partagée. Et il y a le MJ, le fasciste, qui a tous les pouvoirs, quoi. Voilà. Qui a tous les pouvoirs et qui n'est pas bienveillant, en plus. Voilà. Le problème, c'est déjà cette notion d'autorité bienveillante, pour la décomposer. Qui est-ce qui décide que le MJ est bienveillant, en fait? Parce que le MJ, lui, peut se croire très bienveillant, tu vois. En fait, il n'est pas du tout, tu vois. Moi, j'ai l'impression, il faut que je lise ce passage-là de Coralie David et Jérôme Blay. J'ai toujours un peu de mal à voir ce que ça recouvre, jusqu'à quel point le MJ est bienveillant et à partir de quelle limite il ne l'est plus. Voilà. Juste pour dire un peu sur cette thématique de l'autorité bienveillante, comme je le disais, dans toute société, donc société définie d'une manière très très large, comme à partir du moment donné où les deux individus, il y a société, voilà, hein, c'est des micros société si vous voulez, mais voilà, il y a une organisation sociale, ce qu'on appelle la politique d'ailleurs, voilà. Donc, il y a toujours une structure de domination, de pouvoir, et en fait, c'est juste de se demander jusqu'à quel point est acceptée, sous quelles conditions elle est acceptée, sous quelles conditions elle peut être démise, etc. Moi, je trouve que j'aime bien, moi, les mécaniques, les jeux où il y a un peu de narration partagée. C'est-à-dire, moi, un élément que je rencontre très souvent, c'est les points. Moi, je vais appeler ça les points de narration, mais ça porte des noms divers et variés. Ça peut être les points de destin, les points d'archie. Je vais appeler ça les points de narration. Les points de narration, c'est un point, tu dépenses et tu rajoutes un élément dans la scène. Voilà. Ou tu changes une scène, ou tu rajoutes une magie, ou voilà. Alors ça, c'est assez amusant parce que j'ai un problème récemment dû à ça. Parce que qui est-ce qui décide quand est-ce qu'on donne les points et à qui on donne les points? C'est le MJ. Voilà, vous comprenez la problématique. Donc, en fait, dans ces cas-là, ce qu'il faut faire, c'est dans la mécanique de jeu, encadrer la récupération et le gain de points de narration. Voilà. Il faut l'encadrer. Moi, j'ai eu toujours tendance à dire, dès le début, hein, de ma carrière de rôliste, entre guillemets, que pour moi, le système, la mécanique était importante parce que la mécanique permettait un contre-pouvoir, finalement, au MJ tyrannique. Moi, je m'engage sur une partie. Si tu prends des points de destin ou des réussites critiques, par exemple, l'un ou l'autre. Je trouve que c'est des bonnes façons d'avoir une narration partagée qui est un petit peu quantifiée, tu vois. Et entre guillemets, largement légitimée par le système, quoi. Et qui pourrait éviter, justement, entre guillemets, certains abus par les joueuses, quoi. En fait, dans un jeu de rôle, on va dire qu'il y a trois gros acteurs. Il y a les joueuses, il y a le MJ et il y a le système, en fait. Et en fait, on dit souvent, c'est le MJ l'arbitre. Mais en fait, pour moi, c'est pas le MJ l'arbitre. Pour moi, c'est le système l'arbitre. Et ça pose problème, on le connaît tous, hein, ce problème, du joueur expert. Le joueur expert en règle qui va dire non, non, non, non, MJ, tu t'es trompé. Page 45, alinéa 3, paragraphe 10, il y a cette règle qui fait que ça marche pas ce que tu dis là. Je sais que c'est très pénible, hein, mais techniquement, quand moi je m'engage sur une table, je reviens au contrat de table, je m'engage pour un système. Je m'engage aussi pour une mécanique. Et si le MJ il décide de changer la mécanique, pour moi il y a rupture de contrat social. Et après, il faut savoir pourquoi il change la mécanique. Est-ce qu'il change la mécanique pour favoriser les joueurs, les joueuses, ou est-ce qu'il change la mécanique parce qu'il veut nous mettre dans la sauce, tu vois? Parce qu'il se dit ah mais le jeu est trop facile, je vais le rendre plus difficile, tu vois? Voilà. Et en fait c'est ce qui est important derrière ça, c'est toujours l'intention. Quelle est l'intention du MJ en fait? Voilà. Et c'est pour moi cette intention qui va faire la différence entre une autorité bienveillante et une autorité à la John Wick. Voilà. C'est quelle est l'intention du MJ derrière? Ouais, ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, tu proposes des alternatives à. Parce qu'en fait, un peu notre question, c'est comment limiter l'arbitraire du MJ? Il y a une alternative pour limiter l'arbitraire du MJ, c'est la narration partagée. Mais là, tu en proposes une autre qui est s'appuyer sur les systèmes. C'est-à-dire qu'en tant que MJ, je m'engage à respecter le système à la règle, à la lettre. Ça veut dire que vous pouvez vous référer aux documents de règles et dire oui, mais là, j'ai le droit de faire ça, parce que c'est dans les règles et tout. Et du coup, la règle, en fait, comme pare-feu, un peu comme tiers partie, en fait, qui va un peu équilibrer les relations entre MJ et joueur. Et là, on ne parle pas de narration partagée, hein, mais on a quand même une idée d'un peu d'amener ce troisième pouvoir, en fait, tout simplement, quoi, qui est la règle. En fait, c'est un peu le joueur a aussi un pouvoir sur la mécanique. Le joueur a aussi un pouvoir mécanique, en fait. Alors, attention, hein, je connais les dérives de ça, mais moi, je le ferais en interpartie. Pour une campagne, tu peux aller devant le MJ dire, écoute, moi, ton application de cette règle ne me convient pas, bon, et engager une négociation qui remet en cause son pouvoir à lui. Et il y a plein de gens MJ qui disent, non, mais c'est moi le MJ, t'es GCM, c'est moi qui décide. Bon, moi, personnellement, j'ai tendance à fuir ce genre de personnage. Bon, après, ça, c'est ma personnalité à moi. Après, il y a aussi autre chose, c'est que la narration partagée, même en narration partagée, à part si on part dans le cas extrême dont je parlais tout à l'heure, il y a aussi une mécanique. Et la mécanique encadre et donne des règles à la narration partagée. Il y a le cas des domaines, il y a le cas de phares, ce que tu disais Thomas, il y a un jeu qui va te dire, il y a une narration partagée, mais il y a des phares à respecter dans cette narration, il y a un canon esthétique. Voilà. Donc il y a toujours une espèce de partage des pouvoirs. Qui se passe un peu entre ces acteurs-là, donc les joueuses, le MJ, le système et le canon esthétique ou le jeu. Voilà. Et c'est cet ensemble de choses qui va permettre un peu de distendre le pouvoir du MJ et va permettre d'éviter que tout le pouvoir soit dans les mains de la MJ. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis, hein. J'ai peut-être un peu confus, mais... Voilà. Non, c'est pas mal. Alors, si tu me permets, j'ai très rapidement deux petites choses à dire sur la narration partagée, puis je pense qu'on pourra basculer sur le sujet suivant, qui est la sécurité émotionnelle. Alors, je suis allé vite fait voir l'article « Opposition bienveillante » là dans Mener des parties de jeux de rôle. Alors, l'article, il est énorme. Donc, en fait, je ne ferai pas l'affront de le résumer, parce que je vais forcément dire des bêtises. Mais, par exemple, on voit qu'il y a... C'est vrai que tu te posais la question assez légitime de dire oui, mais en fait, MJ pense être bienveillant, mais peut-être qu'il ne l'est pas. Peut-être qu'au nom de la bienveillance, il va juste abuser sans s'en rendre compte et faire, tu sais, genre, je vais te faire ça, je vais te faire mal, tu me remercieras plus tard. Tu vois, on connaît un peu tout ça. Et en fait, du coup, l'article parle de conventions que MJ peut mettre en place pour vérifier qu'il n'y a pas d'abus de pouvoir. Ça peut être par exemple. De mettre en place avec les joueurs, il y a une notion de mettre un peu en place un contrat de table. Aucun PJ ne peut mourir sans l'accord de la joueuse qui l'interprète, tu vois. C'est-à-dire que moi, je vais gérer une opposition bienveillante, c'est-à-dire que je vais mettre vraiment en danger la vie des personnages, mais in fine, si la joueuse estime que c'est pas le bon moment pour que son personnage meure, il va juste être abîmé, tout ça, mais il mourra pas, quoi. Il y a plein, bon voilà, l'article est très touffu, donc je peux pas en dire plus parce que je risquerais de galvauder l'article, hein. Cassez votre tirelire, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Sinon, je vais juste glisser un petit insert rapide, il y a un podcast qui est super intéressant, qui parle de tout ça justement, du rôle du MJ, etc., qui est passé sur le 900 Café, c'est... La boîte à chocolat 1, jouer avec ou sans MJ, et on vous mettra le lien dans la description, quoi. voilà, pour un peu agrémenter un peu nos discussions. Voilà. Ouais, donc, pour conclure sur la narration partagée, il y a des aspects sur lesquels je ne vais pas m'étendre, parce qu'on l'a déjà un petit peu abordé avec le worldbuilding, c'est les mêmes aspects de problèmes de charge cognitive, hein, parce que du coup, tout le monde apporte des idées, donc ça fait beaucoup d'idées qui s'empilent et qu'il faut gérer cognitivement, ce n'est pas évident. Il y a le problème que c'est contre-immersif, parce que tu as le côté que tu vas inventer des choses et après tu dois jouer la surprise, tu vas inventer ta propre adversité, enfin, ce qu'on appelle le principe de Shege et tout. Enfin, bon, en fait, il y a beaucoup de problèmes de jouabilité qui sont posés par la narration partagée. Et en fait, la solution, là, un peu, en fait, un meilleur des deux mondes possibles, on l'a un petit peu abordé, c'est d'avoir éventuellement des jeux sans MJ ou en narration partagée, mais avec un émulateur de MJ, que ce soit un gros oracle, que ce soit une structure scénaristique un petit peu rigide et tout, enfin, une table aléatoire, une appli, une IA, ce que vous voulez, mais en fait, si on a un côté, ce troisième pouvoir ou ce troisième agent qui est le jeu lui-même, qui va apporter un arbitrage et aussi de l'imprévu de son côté, ben ça peut mettre un petit peu tout le monde d'accord, quoi. Et c'est peut-être le meilleur des deux mondes. À moins que tu aies vraiment une réaction, là, j'aimerais qu'on passe à la sécurité émotionnelle. Non, je pense qu'on peut y passer, ouais. Ouais, ok. Bon, la sécurité émotionnelle, grosso modo, c'est l'idée que c'est l'idée que le bien-être des joueurs, il est supérieur à la tenue du scénario, au respect du scénario. Hein, je fais une définition à brûle pour point. Et donc, on va mettre en place des outils qui vont permettre aux joueurs, en fait, de dire oui ou non à certains éléments du scénario ou à certains éléments de l'improvisation. Enfin, grosso modo, la sécurité émotionnelle, c'est la possibilité pour les joueurs de modifier la fiction pour des raisons de confort. Voilà. Est-ce que tu as des réactions déjà à brûle pour point par rapport à la sécurité émotionnelle sur les plus et les moins avant que je dise toutes les méchancetés que j'ai à dire sur le sujet? Non, je pense que c'est une bonne définition. Non, il n'y a pas de souci. Alors, sachant que, tu sais, un petit peu ensemble, on avait un peu défini un concept que j'ai appelé la sécurité émotionnelle étendue. Qui est encore plus radical, en quelque sorte, que la sécurité émotionnelle. Le principe de la sécurité émotionnelle étendue, parce que, en fait, la sécurité émotionnelle, c'est souvent, on va s'intéresser aux inconforts graves. C'est-à-dire que y a un élément de l'histoire qui va mettre en place des scènes très violentes ou des scènes qui sont directement liées à tes phobies. Et donc, du coup, pour ta sécurité émotionnelle, tu vas les censurer. La sécurité émotionnelle étendue, elle s'intéresse à tous les inconforts, même les inconforts minimes. Ça veut dire que, je prends un exemple à la noix, mais par exemple, donc on fait une game de Donjons et Dragons, et il y a un joueur qui décide, moi je vais jouer un Hobbit. Et ben, au nom de la sécurité émotionnelle étendue, toi tu aurais le droit de dire, non je veux pas que tu joues un Hobbit, parce que je trouve que les Hobbits sont insupportables. Et je vais pas m'amuser en fait durant la partie s'il y a un Hobbit dans la table. Et du coup, au nom de la sécurité émotionnelle étendue, je te demande d'essayer de trouver un autre concept de personnage. Et bon, ça c'est un exemple de sécurité émotionnelle au début, en amont de la partie, lors de la préparation. Mais ça peut être, durant la partie, il y a une scène d'auberge qui s'éternise et au nom de la sécurité émotionnelle, je demande au MJ de faire une ellipse sur la scène d'auberge parce que je commence à m'ennuyer, donc je ressens un inconfort. Et donc je dis, s'il te plaît MJ, entre guillemets, carte X sur la scène d'auberge. Il n'y a rien qui me choque, qui me traumatise dans la scène d'auberge. C'est juste que je m'ennuie et j'aimerais qu'on fasse une ellipse, qu'on passe à quelque chose de plus intéressant, en tout cas qui m'intéresse moi davantage. Alors, je plaide coupable d'avoir... on en avait discuté avec toi, mais je ne sais pas si tu t'es inclus dans la paternité de ce concept, mais je plaide coupable en fait d'avoir encore plus élargi les champs de la sécurité émotionnelle, alors que par ailleurs, j'ai tendance à constater qu'il y a beaucoup de moments où en fait c'est compliqué, voire impossible d'appliquer la sécurité émotionnelle, notamment en fait quand on va proposer des jeux d'horreur ou des jeux, tu vois, un peu grim dark, type Le Monde des Ténèbres ou je sais pas, Dark Heresy, enfin il y en a plein. Hein. Parce qu'en fait, du coup, avec le développement, la démocratisation du concept de sécurité émotionnelle, que en tant que MJ, tu proposes ou non de la sécurité émotionnelle dans ton contrat de table, de toute façon, les joueuses qui connaissent ça vont l'apporter à la table. Alors d'un côté, je pense que c'est une bonne chose, en fait, que les joueuses apportent leur, entre guillemets, viennent à la table avec leur carte X, même si ça n'a pas été fourni par le MJ, si tu vois un peu l'image. Mais de l'autre, des fois, ce qui va se passer, c'est qu'il y a des personnes qui vont s'inscrire à des tables de jeux d'horreur et de jeux grimdark, mais qui après vont demander à censurer tout un tas de thèmes, ce qui fait que littéralement, en fait, la proposition de jeu ne peut pas être tenue, tu vois. C'est-à-dire que t'arrives sur une partie de culte et tu dis « Oui, mais je veux censurer tel thème, tel thème, tel thème. » Et du coup, en fait, ce que tu veux, c'est que la partie, ça devienne mon petit poney. Qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait, en fait est-ce que la sécurité émotionnelle, elle n'a pas créé des attentes qui n'existaient pas avant? Est-ce que par moment, ce serait pas mieux de remplacer ça par, par juste un droit de retrait et de se dire « Non, mais en fait, si je vois la proposition de jeu, il faut pas que j'y aille. » Plutôt que d'y aller et puis forcer en fait des censures de thématiques pour totalement remodeler la partie comme moi, joueur, je veux, tu vois, quitte à laisser tout le reste de la table sur sa fin en fait. Enfin, je prends l'exemple caricatural entre guillemets d'une partie de culte et qu'il y a une joueuse qui veut transformer la partie en mon petit poney, mais je sais pas si tu vois un petit peu l'idée quoi. Si, si, bien sûr. Alors moi, je vais revenir sur plusieurs choses. Déjà, nous, on avait aussi, quand on avait discuté de ça, on avait aussi discuté un truc, la sécurité émotionnelle étendue, qui, moi, m'avait paru vachement intéressant. Thomas avait fait un article là-dessus, ouais, mettra sûrement en lien. C'est l'idée que la sécurité émotionnelle s'étend aussi au MJ, en fait. Parce que souvent, on parle de sécurité émotionnelle pour les joueurs, mais par exemple, il peut y avoir le cas où le MJ, lui aussi, ne prend pas son pied, ne prend pas son plaisir. Un cas typique de ça, par exemple, c'est... Il y a deux exemples hein, que tous les MJ connaissent. C'est moi, j'ai prévu un scénario et mes joueurs se barrent dans toute autre direction. Bah écoutez, dans ce cas-là, moi, j'ai préparé un truc, je me suis cassé le cul, bah on va tous se coucher, quoi. Voilà. Et l'autre situation, c'est les PNJ. Les PNJ, bah le MJ, peut-être que lui, il a donné du cœur à ses PNJ. Les PNJ sont une forme de PJ, finalement. Les PNJ, c'est une forme de PJ du MJ, quoi. Voilà. Ouais, on va appeler ça le PMJ. Petit insert à ce sujet-là, j'ai fait un article, je mettrai en description, qui s'appelle ne tuez pas mes PNJ. En fait, l'idée que bah, peut-être il y a certains PNJ, tu les aimes vraiment d'amour, et que tu voudrais pas que les joueuses, au nom de leur liberté de personnage, tue ton PNJ comme ça, sans crier gare, et que tu pourrais, pour ta propre sécurité émotionnelle de MJ, avoir le droit de mettre une immunité narrative sur certains de tes PNJ. Oui, c'était exactement à ça que je pensais, quoi. Effectivement, c'était à cet article-là que je pensais, donc c'est bien que, voilà. Mais même, par exemple, on peut avoir aussi le cas inverse d'un joueur. Par exemple, moi, je l'ai eu récemment, dans une campagne de Deadlands, j'ai eu un gang avec moi, je suis chef de gang. Je me suis attaché aux autres PNJ de mon gang. Et j'ai dit, bah, moi, écoute, j'ai employé ce terme, d'ailleurs, ça me fait rire, parce que je lui ai dit, je fais appel à ma sécurité émotionnelle étendue, et je lui dis, moi, j'ai pas envie que les PNJ crèvent, quoi. Voilà. Donc, ça pose un certain nombre de problèmes, hein, encore une fois. C'est toujours, on va aborder un peu ça, mais c'est, il y a une espèce de tension un peu entre la sécurité émotionnelle et la beauté de la fiction. Une fiction, une belle fiction, une fiction intéressante, en tout cas. Forcément, en général, c'est une fiction où il y a du drama. Voilà, il y a du drama. Et le drama, ça implique bah, qu'il y ait des blessés, qu'il y ait des morts, qu'il y ait des pertes, qu'on perde des choses, que ce soit difficile, qu'il y ait du deuil, qu'il y ait des... voilà. Alors, on peut faire de la belle fiction, alors il y a un petit poney, hein, évidemment. Mais bon, c'est pas forcément le jeu qui est le plus joué, déjà. Et dans ce cas-là, il faut s'y attendre, il n'y aura pas de mort, on peut avoir de la très belle fiction où il n'y a jamais un seul mort, voilà, etc. Mais si on veut émuler de l'horrifique, de la dark fantasy, dire, partir du principe que, bah non, il n'y aura pas de mort ou non, il n'y aura rien de blessant, enfin, le problème, moi j'ai eu ce problème-là récemment, hein. Le problème quand on s'engage à jouer à un jeu horrifique ou à un jeu dark, c'est que on veut émuler quelque chose. On veut émuler quelque chose, et ce qu'on veut émuler, c'est une situation angoissante, en fait. Qu'est-ce qu'on cherche quand on va voir un film d'horreur au cinéma? Il y en a qui vont pour se marrer, hein, évidemment, pour le côté dadaesque, mais on cherche parfois aussi à être déstabilisé, à être mal à l'aise, en fait. Et ça, c'est très, très compliqué. Croc et Damien Coltis ont fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur l'horreur en JDR, qui est très intéressante, qui parle un peu de ces thématiques-là. Et en fait, concrètement, c'est est-ce que tu as envie, toutes les semaines, de venir à table et de venir à table avec la boule au ventre, tu vois? Parce que c'est ça que te propose le JDR. C'est ça que te propose le JDR. Le JDR te propose d'être dans une situation où tu es mal à l'aise. Voilà. Et est-ce que c'est vraiment possible de faire de l'horreur en GDR? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile d'en faire avec les outils de sécurité émotionnelle. Parce que... Si tu me permets un petit insert, en fait, je dirais que ce qui est à l'œuvre dans beaucoup d'JDR, pas forcément tous, mais dans beaucoup d'JDR, et pas forcément des jeux d'horreur ou des jeux grimdark, c'est la notion de stress, en fait. C'est-à-dire qu'on va mettre en place une tension sur ton personnage, il va peut-être pas vivre sa meilleure vie, il va avoir de l'adversité, il va y avoir du conflit, des dangers, des problèmes de toutes sortes. Et en fait, à quel point on est prêt à accepter ce stress, et qui est en fait très central dans la plupart des JDR. Bon, évidemment, tu peux jouer à Cozy Town, et il n'y a pas de problème, hein. Y a des jeux de rôle qui sont purement contemplatifs, j'en parle souvent, mais la majorité des parties de jeux de rôle, elles sont basées sur la tension. Et donc, du coup, c'est à quel point on est prêt à sacrifier la tension sur l'autel de la sécurité émotionnelle. Je ne suis pas du tout pour supprimer la sécurité émotionnelle. Au contraire, c'est hyper important. Je pense que on peut même être sensible. Je pense qu'il y a encore plus de sensibilisation à faire sur la sécurité émotionnelle. Moi, par exemple, je milite pour qu'il y ait aux tables de convention, il y ait des cartes X qui soient posées sur les tables avec une petite explication. Parce qu'en fait, il y a encore beaucoup de MJ ou de joueuses qui ne connaissent pas, en fait. Et tu vois, ce que fait Ogitopial, le fait qu'il y ait une carte X posée sur la table, c'est très très bien, c'est un outil de sensibilisation assez simple et tout. Mais il faut être conscient en fait que il peut toujours y avoir des abus en fait au nom de la sécurité émotionnelle. Et là, je suis pas en train de faire parce que les premières personnes qui ont gueulé contre les abus de la sécurité émotionnelle, c'est des personnes, je le dis tout de suite, hein, je mettrai un article pour en faire la preuve, c'est des personnes qui sont dans le spectre de l'extrême droite. Donc les fachos n'aiment pas du tout la sécurité émotionnelle. Donc évidemment, je veux pas me mettre de leur côté, je suis dans le camp du bien, évidemment. Mais il faut comprendre en fait que c'est un outil qui va donner beaucoup de pouvoir à tout le monde dans la table. Et la question c'est comment on utilise cet outil. Et c'est un nouvel espace de liberté qu'on crée, mais un jeu en fait il est fait de contraintes et de liberté. Et une fois qu'il n'y a plus que de la liberté, qu'est-ce que ça donne en fait? Et de toute façon, la liberté, enfin, du moment si tout le monde peut négocier, bah, en fait, toi, ta censure va contraindre les autres et tout. Donc, bon, à nouveau, ce n'est pas pour supprimer la sécurité émotionnelle, mais pour être conscient que, par exemple, si je propose une partie, tout simplement, si je propose une partie d'un univers assez dark, j'ai proposé une liste de traumavertissements, les trigger warnings, et peut-être que ces trigger warnings vont être non négociables. Si toi, ces trigger warnings en tant que joueuse, tu ne penses pas pouvoir les gérer, ne t'inscris pas à ma table. Ne viens pas t'inscrire à ma table. Et puis derrière, me dire, oui, mais en fait, ce trigger warning, tout ça, faut que tu les enlèves. Bah ouais, mais en fait, il y a un moment, bah dans ces cas-là, on va tous se coucher parce que moi, j'ai prévu une campagne avec ces thématiques. Je peux comprendre que ça ne convienne pas à tout le monde. Moi, par exemple, j'ai fait une campagne qui s'appelle L'Ordre et le Sauvage. Eh ben, si t'es vegan, tu vas avoir du mal à jouer à ma campagne parce que, grosso modo, il y a de la maltraitance animale tout le temps. Il y a un trigger warning maltraitance animale énorme. Et en fait, tu peux pas venir jouer à l'Ordre et le Sauvage si tu mets carte X sur la maltraitance animale. C'est pas possible en fait parce que c'est la thématique de la campagne. Donc en fait, des fois, il vaut mieux juste dire, ben, on n'est pas fait pour jouer ensemble sur cette thématique-là, et puis tant pis, on va jouer à autre chose, où on fait notre vie ludique, chacun de notre côté, quoi. Il faut pas que la sécurité émotionnelle devienne un moyen de hacker les parties sur lesquelles tu vas, parce qu'au final, il y a peut-être un moment, c'est toi qui respectes plus le libre arbitre du reste de la table. Alors, moi, je suis complètement d'accord avec toi, Thomas. J'ai aussi plusieurs exemples par rapport à ça. Bon, là, je vais peut-être, attention, trigger warning, je vais peut-être parler d'un truc assez choquant, très choquant même, très très choquant. Bon, par exemple, Vampire, le jeu Vampire la Mascarade, hein, ça fait écho au viol, littéralement. Hein. Je pense que personne ne s'en rend compte, pourtant c'est assez explicite, hein, voilà. Mais tout le jeu tourne autour de ça, en fait. C'est-à-dire la contrainte sexuelle. Voilà. Alors c'est implicite, hein, c'est implicite, c'est pas dit comme ça. Mais moi, ça m'est arrivé de jouer des scènes d'étreinte. où je joue à Brie, je me suis fait la réflexion étreinte, c'est qu'on change quelqu'un en vampire, tu forces quelqu'un, hein, tu forces quelqu'un littéralement, et la personne ressent du plaisir sexuel. Voilà. Pardon, hein, mais c'est ultra chaud, c'est ultra chaud. Et pourtant, les gens ils ont tendance à l'oublier, ça. Voilà, hein, que vampire, bah vampire parle de viol. Oui, oui. Les vampires, la figure du vampire, la figure fantastique du vampire, c'est une figure qui parle de la sexualité et de la sexualité dans ses côtés les plus dark. Voilà. Après Cult, c'est un PBTA. Cult, Dité perdu, la dernière édition. Dans le bouquin, il y a des handicaps qui sont méga hardcore, quoi. Voilà. T'as des névroses sexuelles, t'as du sadisme sexuel. Et puis t'as tout un passage où ils parlent de la sécurité émotionnelle, où ils disent, bah oui, il faut déstabiliser vos joueurs. Il faut les mettre mal à l'aise. Il faut les tenir sous pression sans arrêt. Voilà. C'est des conseils de MJ, hein. Vraiment. Alors, il y a un truc aussi, c'est que dans Cult, ils expliquent quand même qu'il faut quand même aussi laisser de la respiration. Le problème, c'est qu'en distanciel, c'est compliqué. Parce qu'ils disent, bah, par exemple, au cours d'une partie, vous pouvez faire un tour dehors, aller discuter, aller prendre votre chien. Bah, c'est compliqué à faire en distanciel, quoi. Voilà. Donc, il y a aussi la difficulté à gérer des émotions difficiles quand t'es derrière tout seul derrière ton écran et que ta vie est déjà pas facile et que t'as personne à la maison pour te consoler. Pas d'animal de compagnie, pas de petits copains, pas de petites copines. La partie s'arrête, toi t'as vécu une expérience traumatisante, bah t'es tout seul chez toi. Voilà. Démerde-toi avec ça. Et puis ta liberté aussi. Liberté, moi par exemple, quand j'y ai joué, j'étais là, allez, on y va et tout. Puis je me suis rendu compte en jouant qu'en fait j'avais un vrai problème avec la violence envers les enfants. Bah si t'as un problème avec la violence envers les enfants, tu joues pas à liberté en fait. Voilà. C'est au cœur du jeu, en fait. Donc, tu peux pas. Ah oui, c'est clair, tu peux pas carte vite, le jeu explose. Hein. Voilà. Et on voit ça aussi, par exemple, avec les campagnes du commerce. Les campagnes du commerce, des fois, elles abordent un certain nombre de thématiques. Si tu fais jouer la campagne du commerce, bah, tu ne peux pas passer outre ces thématiques-là. Sinon, c'est plus la même campagne. Et donc, comment on fait? Alors, moi, j'en déduis tout ça que faire des lignes, caler des lignes dans des scénarios d'horreur, c'est très compliqué. Voilà. Je pense qu'on peut jouer avec d'autres outils, mais les lignes à dire ceci ne sera jamais abordé quand c'est des sujets vastes, voilà. Par exemple, je sais pas, le racisme, je dis, bah, ce sera jamais abordé. Bah oui, mais le racisme, si tu vis dans une époque contemporaine, est-ce que ça devient pas irréaliste s'il y a plus du tout aucun racisme en fait? Est-ce qu'il y a toujours une cohérence? Voilà, là, je vais me faire insulter par tout le monde. Je sens que dans les commentaires, ça va dire, ah, Narcy, c'est le mal, c'est un salaud. Donc, je vais peut-être prendre un peu plus de pincettes, mais je trouve que parfois, dans cette situation, la sécurité émotionnelle est difficile à appliquer, effectivement. Notamment quand ça va à rebours du proposition de jeu, ça peut être compliqué. Pour autant, il y a d'autres outils. Thomas en parlait. On peut mettre des trigger warning. On dit, bah, écoutez, cette campagne va aborder tel thème, tel thème, tel thème. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette thématique là, bah, ne venez pas. Voilà. Il y a aussi le retrait, c'est-à-dire, bah écoutez, l'open door policy, moi j'autorise dans mes parties d'horreur, en cours de partie, bah, la personne a le droit de se barrer, a le droit de dire, bah, moi je m'en vais, c'est trop, j'arrête la partie. Voilà. Je pense aussi qu'il faut mettre en place ce qui se fait beaucoup en teuf, des espaces de chill out, c'est-à-dire des moments donnés où on se dit dans la partie, on arrête la partie et on change de sujet. On va se prendre un café, un thé, on va promener son chien. On se donne 10 minutes de pause où chacun fait ce qu'il veut et où moi je reste en tant que MJ et j'apporte du soutien émotionnel. Voilà, pendant 10 minutes, je suis là et on parle d'autres choses, on dit comment ça va, actuellement comment tu te sens. On met en place des sas de décompression. Finalement. Ça permet d'ailleurs de faire la part des choses en fait, parce que tant que t'es dans la fiction en fait. Quand le MJ ou une autre joueuse va exercer une agression sur ton personnage, en fait, et qu'on est full fiction, ce qui provoque une bonne partie de l'inconfort, si tu veux, et tu parlais par exemple de viol, j'ai une personne qui m'a dit, trigger warning à fond, elle m'a dit, j'ai connu des viols dans la vraie vie, enfin j'ai été victime de viols dans la vraie vie, et j'ai été victime de viols dans les jeux de rôle. Les expériences de viol dans les jeux de rôle m'ont plus traumatisé que mes expériences réelles de viol. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on est à full fiction, en fait, ce qui est vraiment traumatisant, c'est que tu ne sais pas quel est le niveau de... quand un MJ t'agresse, en fait, via la fiction, est-ce que le MJ t'agresse parce qu'il a vraiment une malveillance à ton égard, tu vois? Ou est-ce qu'il exerce une opposition bienveillante? Ben, tant qu'on reste dans la fiction, t'as pas moyen de le savoir. Et avoir ces sas de sortie et repasser en mode joueur, dire ouais, bon, bah, est-ce que ça va, tout ça, machin, Ça, c'est hyper important, en fait, plus que d'utiliser des cartes X, machin, qui, en fait, la carte X, c'est quelque chose qui, finalement, va augmenter l'antagonisation, tu vois, entre les personnes à la table, qui est « Ah, tu m'agresses, je mets mon bouclier, tu vois. » Tandis que le fait de faire une pause et de redevenir nous-mêmes, tu vois, et dire « Oui, moi, en tant que MJ, je t'ai fait subir les pires horreurs, mais juste après, je te demande « Est-ce que ça va? » Ça se trouve, ce que je dis, c'est vraiment une mécanique de pervers narcissique, méga toxique, j'en sais rien. Mais bon, enfin, voilà, d'une façon la plus sincère possible et sans en faire un outil de manipulation. Enfin, si t'es pas sincère dans cette démarche, demander si ça va, si c'est juste entre guillemets pour réamadouer tes joueuses, puis leur mettre la tête dans la boue juste après. Bon, il faut pas le faire, c'est dégueulasse. Je vous renverrai, j'ai fait un énorme dossier sur la manipulation. Mais grosso modo, je pense que c'est important par moment de faire tomber ce masque de la fiction et de montrer son vrai visage, de montrer qu'on est entre amis et entre personnes qui se respectent et qui veillent au bien-être respectif. Et que cette agression, elle est justement, elle n'est que ça, elle n'est que fictionnelle, irréelle, quoi. Et en fait, si une agression fictionnelle est traumatisante, c'est bien souvent parce que y a aucun moment, il y a eu d'explicitation sur. Par exemple, moi, en tant que joueur, j'ai subi de l'homophobie, j'avais un personnage homophobe. Et il y a un autre personnage, en fait, il faisait des remarques très homophobes sur mon personnage. Et je l'ai hyper mal vécu, parce qu'en fait, à aucun moment dans la partie, c'était un one shot, c'est quelqu'un que j'ai jamais revu, tu vois. Et en fait, à aucun moment, on a pu prendre le temps de s'arrêter et dire, ouais, mais attends, tu le dis vraiment en personnage, ou c'est quelque chose que tu penses vraiment, tu vois. Est-ce que t'es vraiment. Enfin. Et c'est pour ça que je l'ai mal vécu. Ça se trouve, ça aurait été hyper clair que le joueur, lui, n'était pas homophobe et que c'était juste qu'il jouait un personnage qui était homophobe. Peut-être que j'aurais mieux vécu. Ouais. Alors, moi j'ai voilà, la vraie question, la vraie tension, et moi, j'ai pas de solution à ça. C'est sécurité émotionnelle ou immersion. Voilà. Et des fois, moi, j'ai eu envie, pour certaines parties, en one shot, hein, je précise bien, d'être pleinement immergé dans une ambiance angoissante pendant 3-4 heures. De ne pas avoir de pause, de ne pas avoir de rupture d'immersion, de vraiment de vivre, de bleed, finalement. Je recherchais le bleed négatif, quoi. Ça peut arriver. C'est rare, malgré tout. Mais ça peut arriver. Donc, c'est un peu une tension qui, pour moi, n'est pas. En fait, il faut. Voilà. En fait, je pense que le meilleur outil de sécurité émotionnelle, avant tous les outils qui ont été développés, c'est la communication et la bienveillance. Bon, ce que je dis, c'est, ça paraît complètement débile, hein, mais quand tu connais les gens avec qui tu joues, quand tu prends du temps à discuter avec eux après la partie, avant la partie, quand tu crées un lien émotionnel, je pense que ça peut aider par rapport à ce que disait Thomas là. C'est-à-dire que quand tu sais que la personne en face de toi, c'est quelqu'un de bien, que tu apprécies, que c'est quelqu'un de bienveillant, tu vas peut-être être moins dérangé par les moments où il va faire des dingueries en jeu de rôle. Je suis pas sûr, hein, que ça fonctionne, hein, je sais pas. Moi, je sais qu'avec moi, ça a marché à plusieurs tables en campagne. Je disais à un moment donné, on avait des discussions assez longues sur la manière de vivre dans le parti et on arrivait à se calibrer grâce à ça, en fait, grâce à la communication, en fait. Enfin, ça paraît débile ce que je dis, hein, mais ça paraît d'être la palissade, une porte ouverte, mais la communication, je veux dire, en jeu de rôle avec des inconnus, c'est la base, quoi, en fait. C'est la base. Il y a plein de gens qui passent un peu, il y a plein de gens qui passent un peu au-delà de ça, qui disent, bah voilà, on vient pour jouer, on joue, on fait notre partie, et après, chacun retourne à sa vie, quoi. Mais oui, mais c'est pas, moi, c'est pour moi, c'est pas la bonne méthode, quoi. Ou même être franco sur ses défauts, en fait. Je prends l'exemple de ce qui, parce que bon, c'est bien de passer du temps et de montrer que dans la vraie vie on est bienveillant et tout, mais je pense aussi que c'est important d'être franco sur ses défauts et de pas se vendre comme étant le partenaire de jeu parfait. C'est-à-dire par exemple, moi j'ai tendance à expliquer souvent que j'ai du mal à laisser la parole en fait. C'est-à-dire que je parle beaucoup, voilà, je suis un peu passionné et tout, et dans une partie de jeu de rôle, je vais beaucoup parler. Et j'ai du mal, si tu veux, à laisser la parole aux personnes un peu plus timides. Et c'est un défaut, tu vois, je présente tout de suite comme un défaut que j'essaie de corriger, mais je prétends pas que je vais y arriver, quoi. Et le fait de savoir que à ta table, il y a quelqu'un qui reconnaît qu'il a un défaut, qu'il a un problème, qu'il a un comportement problématique, mais qui s'en excuse et qui essaye de travailler dessus, mais qui peut pas te garantir qu'il y arrivera. C'est aussi un huilant, tu vois, être un peu transparent justement sur ses comportements problématiques. Ou ça peut être dire, moi j'ai un problème d'écoute, c'est-à-dire que je vais pas forcément voir que tu vas pas bien et tout, parce que je vais pas forcément réussir à avoir la bonne lecture de ton comportement. Enfin, tu vois, bon, je vais pas lister tous les comportements problématiques qu'on peut avoir, mais voilà, je tenais à insister sur le fait d'être transparent sur ses défauts en fait. Ouais, après ça reste compliqué, mais ouais, bien sûr. Donc ouais, je pense que ouais, c'est une tension compliquée. C'est-à-dire que bon, y a des écoles, notamment dans tout ce qui est dark fantasy, grim dark, de dire on va pas évacuer les thématiques difficiles. Et il y en a d'autres qui te disent bah non, voilà, comme dans Deadlands par exemple, qui te disent bah non, il y a pas de sexisme, il y a pas de racisme, les choses ont changé, avec le risque effectivement d'avoir un univers qui, enfin, je sais pas, moi je suis pas convaincu qu'occulter les thématiques difficiles ce soit la bonne solution en fait. Je pense pas que se mettre la tête dans le sable et dire ça n'existe pas, je sais pas si ça résout vraiment le problème. Moi je pensais à quelque chose que j'avais lu quelque part sur la sécurité émotionnelle, c'était de dire que parfois tu as l'aspect catharsis, c'est-à-dire qu'être confronté à des fachos en jeu de rôle, ça va te permettre d'agir sur eux d'une meilleure manière que dans la vie réelle. Tu vas pouvoir les frapper, les tuer, leur faire du mal, alors que dans la réalité, tu ne peux rien faire, en fait. Et peut-être que tu as un aspect catharsis de dire que oui, tu vas rencontrer des PNJ qui sont des ordures, mais là, au moins dans la fiction, tu peux agir contre eux, en fait. Et cet aspect-là va peut-être t'apporter une forme de contentement, de satisfaction, que de juste de dire, bah, tous les PNJ ne sont ni racistes, ni sexistes, ni homophobes, ça n'existe pas dans mon univers. Oui, mais en fait, est-ce que c'est pas se cacher par rapport au problème, quoi? Je sais pas. J'ai pas de solution par rapport à ça. Moi, je pose juste des questions, hein. Je dis pas qu'il y a une bonne manière de faire et une mauvaise manière. C'est ça. Bah, il faut, disons que c'est un appel à chacun, chacune de se poser la question. Ouais. Moi, j'aimerais conclure sur la sécurité émotionnelle, mais en même temps, c'est en étendant ce concept. C'est que, en fait, grosso modo, ça nous amène au concept de safe place. C'est-à-dire, est-ce que la partie de jeu de rôle est une safe place? Est-ce que un GN donné est une safe place? Est-ce qu'une communauté rôliste, tu vois, un Discord, une association, ce que tu veux, une convention, est-ce que c'est une safe place? Et il y avait un article important, je trouve, d'Arjuna Khan que je vous mettrai en lien. Arjuna Khan explique que bah il n'y a pas de safe place en fait. C'est-à-dire que il faut pas croire qu'il y a des personnes safe. On peut tendre, on peut essayer d'être safe, tu vois, mais c'est toujours faillible. Et en fait, tu vois, affirmer, dire ici c'est une safe place, ici il n'y a pas d'agression, ici tout va bien se passer. Ben en fait, c'est incantatoire. Des fois, ça fait reposer tout sur les épaules d'une seule personne, parce que par exemple, je trouve que la sécurité émotionnelle, c'est quelque chose, par exemple, qu'on va beaucoup faire reposer sur les MJ dans les jeux de rôle, sur les orgas dans les GN, tu vois. C'est les responsables de sécurité émotionnelle. Je pense que c'est pas normal. C'est quelque chose qui devrait, pour le coup, être totalement répartis et que c'est à chacun, chacune d'être vigilant et pas juste se reposer sur, tu sais, en GN, il y a un concept de safer, c'est-à-dire que dans certains GN, tu as un orga qui s'occupe que de la sécurité émotionnelle. Ben, peut-être que c'est bien et peut-être que c'est une connerie parce qu'en fait, si on dit, ah bah ben, c'est bon, il y a un orga safer, il y a un orga qui est là pour faire des câlins, donner des marshmallows et puis tendre une main secourable à ceux qui vont pas bien. Du coup, on peut faire des dingueries, il n'y a pas de souci puisqu'il y a un safer, tu vois. Tu as un peu l'idée? Et puis ce Bien safer, il sûr, faut qu'il soit exemplaire. Il faut qu'il soit exemplaire, qu'il ait aucune casserole, qu'il soit, bah, évidemment, bah, tant pis s'il a passé une mauvaise nuit la veille du GN, il faut qu'il soit à fond et tout, parce que tout repose sur ses épaules. Bah non, non, non, c'est pas possible. Donc en fait, c'est vraiment important en fait de revenir sur Terre et se dire il n'y a pas de safe place, tout est faillible, on peut avoir de la bonne volonté, mais ça peut foirer, il faut être vigilant à ça, et il ne faut pas se reposer sur les structures, il ne faut pas se reposer sur la personne du groupe qui a dit qu'elle porterait ça sur ses épaules. Également, je trouve que si tu veux, la bienveillance, des fois, c'est un peu incantatoire, c'est un peu une sorte de doudou, de cri-gris. Mais que derrière, il n'y a pas une réelle approche politique, il n'y a pas une réelle disruption, il n'y a pas forcément de choses qui sont mises en place. Donc l'exemple type, ça va être la communauté Discord où il y avoir une charte, on dit oui, on est bienveillant, ceci, cela, j'en ai gentil. Mais en fait, après, derrière, il n'y a aucune modération ou une modération très limitée, tu vois. Et en plus, bah, souvent, la bienveillance, tu te rends compte qu'il y a des angles morts énormes. Moi, si tu veux, le nombre de Discord rôlistes qui se prétendent turbo bienveillants, tout ça, turbo de gauche et tout. Et puis, en fait, par exemple, j'avais dit hein, que moi j'ai des vœux de radicalité. Tu vas voir que, en fait, ces Discords-là, ils ont des salons, notamment des salons, tu sais, où tu peux poster des images de bouffe. Bah oui, parce que c'est sympa de poster des images de bouffe, tu vois, c'est mignon, c'est feel good. Ça, c'est bon pour l'image feel good du Discord, tu vois. On n'est pas uniquement pour parler de jeux de rôle, on va se poster des images de bouffe en toute innocence. Et en fait, en toute innocence, qu'est-ce qu'on fait? On poste des images, en fait, de viande. Donc, en fait, c'est-à-dire que, grosso modo, ces Discords qui sont soi-disant super de gauche, super bienveillants, en fait, ils sont totalement open au fait bah, de manger de la viande et donc comment, de souscrire à la maltraitance animale. Il n'y a pas de souci, en fait. Et ça, c'est des angles morts, mais il y en a d'autres et tout. Donc, en fait, des fois, quand tu vas un peu creuser derrière la bienveillance, mais attention, hein, bon, je fais sans doute partie du problème moi aussi, hein. Mais tu vas te rendre compte que des fois, derrière les personnes qui te vendent la bienveillance, bah en fait c'est juste des grosses fraudes derrière. Donc la bienveillance, ça ne doit pas être juste une étiquette, tu vois, qu'on se donne. Derrière, il faut que ça soit suivi d'effets. Et il faut que les outils qui sont utilisés, par exemple la communication non violente, pour parler des trucs qui sont utilisés dans des Discords, bah, la communication non violente, si tu l'utilises mal, c'est pas un outil d'apaisement, c'est juste un outil oppressif ou élitiste ou ce que tu veux et tout, ou un outil de contrôle social. Donc voilà, faut toujours se méfier et de se dire, bah, des fois en fait je trouve que la sécurité, enfin moi c'est, j'ai du mal à mettre d'accord, des fois je trouve que la sécurité émotionnelle elle va trop loin et ça fait trop d'entraves et ça permet des abus de pouvoir, et de l'autre je trouve qu'au contraire elle manque de radicalité, donc bon j'ai bien conscience d'être contradictoire, je m'en excuse, c'est comme ça. Ouais. Ouais, je pense pas grand-chose d'autre à dire sur le sujet. Oui, bah on va peut-être avancer dans le De temps. toute façon, on parlait là justement de communication, de faire des pauses en partie, etc. Bon, je pense que ça fait un peu la transition avec la culture du débriefing. Le Ouais. débrief, gros sujet. Ouais, alors, moi je commence déjà en me disant que moi, les débriefs, ça m'a toujours posé un souci. Ça m'a toujours Est-ce posé qu'on un. définit vite fait un débrief? C'est quoi un débriefing? Ouais, vas-y, un débrief. Alors, bah, ouais, Rapidement, un vas-y. débriefing, en fait, c'est à la fin d'un one shot ou à la fin d'une session au cours d'une campagne, on prend un temps ensemble, donc à l'oral généralement, pour dire bah, qu'est-ce qui était bien et qu'est-ce qui n'était pas bien, en gros. Et éventuellement, à partir de ces, à partir des critiques positives et négatives qui ont été émises, ensuite derrière, on peut éventuellement en déduire des mesures à faire pour les prochaines parties. Voilà, c'est vite fait une définition de poche du débriefing. Alors, pour moi, il y a deux écueils au débriefing. Il y en a plus que ça, hein, mais je vais citer les deux gros auxquels moi j'ai assisté au cours de mes innombrables parties. La première écueil, c'est que les gens ne disent pas ce qui s'est mal passé, en fait. Ils disent pas trop, d'ailleurs, ce qui s'est bien passé non plus. Et ah, c'était cool, merci, au revoir. Voilà. Soit parce qu'ils n'ont pas envie de rester, soit parce qu'il est tard. Ça peut être une raison aussi, hein, il est tard, les gens sont fatigués. Ils ont déjà eu du mal à tenir pendant la dernière demi-heure, donc ils n'ont pas envie de passer une demi-heure à débriefer. Oui, ou pression sociale. Ou aussi parce qu'ils n'ont pas envie de dire ce qui s'est mal passé, en fait, tout simplement. L'autre problème, qui a été un peu abordé dans le plan, c'est que ça peut se terminer au tribunal populaire. C'est-à-dire qu'il va perdre quelqu'un, il a emmagasiné pendant 4 heures sa colère, sa frustration, ses énervements, il trouve que la partie était pourrie. Et donc, en one shot, hein, ça va se passer comme quasiment quoi, one shot, ça, le mec, il va se défoncer. Il va défoncer tout le monde. Il va dire, ah, ça y est, c'est mon moment, j'ai attendu ça toute la partie, maintenant je peux exploser tout le monde. C'est quand même relativement rare. C'est quand même relativement rare. Moi, je l'ai déjà vu arriver, mais c'est quand même relativement rare. Moi, le plus courant, c'est que les gens ne disent pas quand ça se passe mal. Moi, typiquement, quand une partie J'ai se passe plutôt mal. l'expérience inverse, hein. J'ai quand même beaucoup Ah ouais? d'expérience de Ah retour ouais? négatif, Putain, c'est ouf. hein. C'est arrivé souvent, hein. Ouais. Ah ouais? Putain, merde. Parce que moi, en général, quand une partie se Mais passe mal. c'est lié à deux choses, en fait. La première, c'est que c'est lié à ma position d'auteur. Donc, que, entre guillemets, les gens se disent il est là pour faire playtester un jeu, donc il attend des retours pour playtester un jeu, pour tester un truc. Donc, en fait, le fait qu'on est dans des conditions souvent de test, et aussi parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai fait des débriefings dirigés où il y avait clairement un moment où je demandais un petit peu quels étaient les retours, y compris négatifs. Quoi. Et donc, moi, je les constatais souvent. Okay. À chaque partie, moi, mais c'est arrivé. J'ai quand même eu beaucoup de retours négatifs. Moi, j'ai pas eu la même expérience parce qu'en général, moi, quand je passe une très mauvaise partie, je le dis pas. Je le dis pas parce que le problème, c'est compliqué d'exprimer ce genre de choses, déjà. Des fois, je sais pas trop pourquoi j'ai passé une mauvaise partie. Voilà. Et quand je le sais, bah, j'ai pas envie de le dire au gars, quoi. J'ai pas envie de le blesser, au gars ou à la nana d'ailleurs. J'ai pas envie de le blesser, j'ai pas envie d'avoir des problèmes. Généralement, ça fait un peu le lien avec la dernière partie, parce que ce qui se passe, c'est que ça finit dans ma blacklist. J'ai une blacklist, une liste noire, et voilà, c'est fini, quoi. Voilà, donc, bon. C'est aussi un problème d'expression orale, parce que, bon, c'est compliqué de ménager la chèvre et le chou, de ne pas blesser quelqu'un à l'oral. Bon, c'est, tout ça, c'est très compliqué. Moi, j'ai jamais vraiment trouvé de solution. Thomas nous en parlera après, lui il en a une, mais moi je trouve que ça marche pas forcément trop non plus. Moi ce qu'on fait en campagne, mais pas en one shot, en campagne, en général les campagnes qui pour moi se passent le mieux, on passe beaucoup de temps après la partie. Voilà, on passe énormément de temps, donc il faut se ménager ce temps-là. On discute, on parle de nos attentes, etc. Une autre manière c'est d'orienter le débrief, c'est-à-dire par exemple... pour que les débriefs soient plus courts, parce que ça, c'est souvent un problème, les débriefs sont souvent trop longs, c'est de prendre des clés. Il y a un jeu de rôle qui montre l'étoile, c'est l'étoile, il y a trois trucs, mais enfin, en gros, c'est on dit un truc qu'on voudrait voir à la partie prochaine, on dit un truc qui nous a vraiment plu à cette partie, et on dit aussi un truc qui nous a vraiment pas plu. Voilà. Sans forcément que ça suffise de débat. On met ça sur la table, et bon, voilà. L'autre possibilité, c'est de faire ce que moi, je fais depuis... un certain temps avec mes, qui m'a été appris par un autre MJ que je connaissais, on ouvre un espace, ça marche que en distanciel, hein, mais bon voilà, on ouvre un espace de discussion à l'écrit, et l'écrit a de nombreux avantages par rapport à l'oral. Déjà on peut plus formuler sa pensée, on peut plus la développer aussi, on peut apporter des nuances aussi, et donc en fait en gros c'est un espace de libération entre interparties, voilà, où on dit ouais moi il y a ça l'autre fois qui m'a pas trop plu, bon, et ça permet aussi de ne pas trop se confronter. On pose son pavé, on se confronte pas directement à l'autre, quoi. C'est un peu une méthode de lâche, hein, je reconnais, mais moi ça a pu fonctionner pour moi. C'est plus facile pour moi de dire je suis pas complètement satisfait de ta manière de jouer à un joueur à l'écrit que de le dire à l'oral, voilà, parce que je fuis le conflit en fait. Et je sais que là si je lui dis ça, le conflit va être direct. L'avantage de l'écrit, c'est aussi pas mettre le temps de réfléchir, de se dire avant de répondre, avant de poser mon pavé et deux. Je vais réfléchir, je vais prendre le temps de l'écrire, et les gens vont essayer de prendre le temps de répondre aussi. Voilà. À l'oral, on n'a pas le temps de réfléchir à répondre. La réponse, il faut qu'elle soit du tac au tac, et on peut parfois avoir des mots qui sont au-delà de sa pensée. Voilà, ça c'est les méthodes que moi je fais pour le débrief. Moi, j'apprécie toujours beaucoup les longs débriefs. Et Thomas, lui, il a d'autres méthodes, mais moi, je suis pas forcément convaincu. On en discutera après. Mais moi, j'aime bien le débrief en fin de partie, parce que je trouve que le débrief en cours de partie, ça brise un peu l'immersion, ça brise un peu, mais ça a aussi des inconvénients. L'inconvénient majeur, c'est que bah on emmagasine. On emmagasine, si un truc se passe mal, on attend 4 heures pour dire que ça se passe mal, quoi. Donc y a pas, c'est pas forcément une solution optimale non plus. Mais il y a une autre technique aussi, c'était la. Mais ça, il faut vraiment un outil spécifique pour le faire. C'est la roue des émotions. En cours de partie, on met des smileys, par exemple, pour dire comment on sent. Voilà. Donc la roue des émotions, c'est un truc qui est fait en maternelle où en fait il y a une roue des émotions et on déplace le curseur en début de session et également au fur et à mesure du cours on déplace la roue, chacun à la sienne hein, évidemment, sur comment on sent, et ça permet de visualiser immédiatement comment la personne se sent sans forcément passer par les explications. Si on met un visage un peu ennuyé, ben on va pas expliquer pendant 20 plombes pourquoi on s'ennuie, point, quoi. Voilà. Et les gens le savent et ils essaient de rectifier comme ils peuvent, quoi. J'ai pas trop de solutions. Voilà, je vais laisser parler Thomas maintenant parce que j'ai beaucoup parlé, mais voilà, sur le débrief, voilà. Bah, sur le débrief, il y a une solution que t'as évoquée, hein, c'est d'avoir un débrief textuel. Moi, je préfère en fait faire par texte et ne pas l'obliger, qu'on soit pas obligé de débriefer et qu'on fasse par texte et éventuellement plutôt à froid en fait, quelques temps après la partie plutôt que à chaud. Et en fait, des débriefings vocaux, en fin de partie, j'en fais simplement, j'en fais plus. C'est-à-dire que quand arrive l'heure de fin, on arrête la fiction et cassez-vous, quoi. Je fais plus de débriefing du tout. Parce que j'ai trop souffert de ces debriefings, je me suis trop fait démonter, j'ai vu aussi trop de personnes se faire démonter de mon point de vue de façon injuste, donc j'en fais plus. Et à la place, qu'est-ce que je fais ? C'est que pendant la partie, on fait des pauses. Voilà, une fois par heure, on s'arrête et on dit bon bah, est-ce que ça va ? Quels sont les problèmes en cours ? Hein ? Quels sont les problèmes qu'on va essayer de résoudre tout de suite ? Parce que voilà, plutôt que de ce truc d'accumuler la frustration pendant 4 heures et puis tout déverser à la fin, pour moi, c'est pas orienté solution, quoi. Donc voilà, se laisser plus de place au care, bah, on l'avait dit avant, hein, genre faire des pauses même, juste faire des pauses, se parler et puis se calibrer un peu davantage, quoi, en cours de jeu, quoi. Donc c'est plutôt, en fait, je plaide quelque part pour un débriefing permanent, quoi, constant, quoi. Évidemment, sans tomber non plus dans les impasses qu'on a pu évoquer précédemment, avec trop de narration partagée, trop de sécurité émotionnelle, ceci, cela, qui fait qu'on augmente les attentes et tout. Parce que bon, entre guillemets, tout ce que j'ai essayé de vous pré-shot, hein, dans mon propos, en fait, c'est que la culture du collectif, entre guillemets, le gros point noir de la culture collectif, le gros risque qu'il y a, c'est qu'on arrive dans une culture de je dois avoir des attentes. C'est-à-dire que quand j'arrive à une table de jeu de rôle, je dois avoir des attentes. Je suis censé avoir des attentes. Je suis censé avoir beaucoup d'attentes et je suis censé exiger que ces attentes, elles soient satisfaites. Et ça, voilà, c'est cette culture-là, en fait, qui t'empêche, en fait, de lâcher prise, d'accepter le chaos, d'accepter aussi tout simplement, bah, pour le coup, c'est un truc collectif. Et que si personne ne lâche du lest sur ses desiderata, bah, on va pas y arriver, en fait. Donc voilà, c'est cette culture de l'attente, en fait, qui me pose souci et qui est notamment très très alimentée par le principe de faire des debriefings à la fin. C'est parce qu'en plus, du coup, on a une culture de l'attente, mais avec une façon de communiquer nos attentes qui est souvent très mauvaise. Parce qu'en fait, généralement, ce qui se passe, c'est que les gens, ils communiquent leur attente, mais au moment du débriefing, alors que c'est peut-être au début ou pendant la partie qu'il aurait fallu le faire. Bon, bref. Si tu permets, on peut peut-être fermer cette parenthèse du débriefing et puis aller sur le tout dernier point, qui est peut-être le plus abrasif, mais qui est la tension entre inclusion et blacklist. Alors, je vais rapidement définir inclusion, blacklist, et puis je te laisserai réagir. En fait, l'inclusion, c'est la volonté d'intégrer un maximum de personnes dans son dispositif, quoi. C'est la volonté de jouer avec un maximum de personnes, et notamment jouer avec ce qu'on appelle des publics empêchés, c'est-à-dire des personnes qui auraient de la difficulté à participer à ton jeu de rôle ou à ton GN, pour des raisons que c'est des publics marginalisés ou des publics en situation de handicap, ou des publics, par exemple, qui ont des besoins en sécurité émotionnelle forts, quoi, voilà. Donc l'inclusion, c'est faire des efforts, en fait, pour réussir à jouer avec ces personnes-là. Et le blacklist, en fait, c'est exclure, en fait. Exclure des personnes, ne pas jouer avec certaines personnes, voire éventuellement ce qu'on appelle faire du call-out, c'est-à-dire cette personne-là est toxique, ne jouez pas avec elle. Donc c'est-à-dire qu'en plus d'exclure la personne de tes propres parties, tu vas faire circuler son nom, pour qu'elle soit exclue d'un maximum, en fait, de parties, quoi. Est-ce que t'as des petites réactions, là, déjà, à chaud sur l'inclusion et de la blacklist ? Alors, moi, déjà, j'ai des énormes problèmes avec le cancel, le call-out, etc. Généralement, pour une raison simple, en fait, c'est qu'on choisit de croire une personne plutôt qu'une autre. J'ai eu le sentiment parfois qu'on laisse pas forcément beaucoup, beaucoup la place à de la nuance ou à de la compréhension, en fait. Je comprends pourquoi on le fait, hein. Je comprends qu'il y ait un mécanisme de sécurité derrière. Moi, j'ai une liste noire. Moi, j'ai une blacklist, hein, voilà. J'ai une blacklist où je liste des gens avec qui ça s'est mal passé en jeu de rôle, voilà. Des gens avec qui j'ai eu des avec qui les attentes correspondaient pas du tout, avec qui c'était vraiment. Généralement, il faut quand même beaucoup hein, pour être sur ma blacklist, mais je me remarque plus le temps passe et plus j'ai tendance à mettre de noms dessus, donc je suis de moins en moins tolérant. C'est pas génial comme nouvelle, mais bon, voilà. Et moi, j'autorise quand même le droit aux secondes chances. C'est-à-dire que bon, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises de rejouer avec des gens sur ma blacklist et de confirmer dans les 90% des cas pourquoi ils étaient sur la blacklist. Hein. Généralement, voilà, il n'y a pas de changements radicaux, hein, même sur plusieurs années. Par contre, paradoxalement, et c'est ça qui m'ennuie un peu, j'ai été certainement excluant dans ma blacklist. Parce que ça m'est arrivé de mettre dans ma blacklist des gens qui sont handicapés. Parce que ça matchait pas, voilà, et je vais pas, c'est dur, c'est super dur ce que je vais dire, mais des fois ça marche juste pas. En fait, je vais pas me forcer à jouer avec des gens qui sont handicapés juste parce qu'ils sont handicapés. En fait, si jamais la manière dont leur handicap s'exprime ne me convient pas du tout à moi en partie, même si je me sens coupable. Moi, j'ai une culpabilité de me dire, ouais, je l'ai mise sur la blacklist alors qu'elle est handicapée. Bon, voilà, c'est sûr, c'est hardcore, quoi. Mais voilà, en fait, bon, c'est ma blacklist à moi, quoi. C'est pas un truc que je fais tourner, c'est pas un truc que je fais passer aux autres, ça reste personnel. Bon, voilà. Y a plein de gens qui n'ont aucun problème à jouer avec ces gens-là. Voilà, donc bon. Voilà, donc je me rassure comme je peux, hein. Évidemment, c'est pas génial, mais et pourquoi j'ai mis ça en place ? Parce que j'ai mis ça en place parce qu'à un moment donné, je retombais sur des gens en distanciel, ça se passait mal une fois, je retombais sur eux parce que j'avais pas fait gaffe, et ça se repassait très mal. Donc moi, j'ai pas envie de passer les mauvais moments. Y a des fois où je notifie bien que c'est à cause d'un certain comportement que ça se passe mal, donc bah voilà, ça va sur la blacklist, quoi. Voilà. Moi, ça, c'est ma pratique de la blacklist à moi. Voilà. Après, dire que je les cancel, je sais pas si c'est pas forcément le cas, parce que ça m'empêche pas de continuer à échanger avec eux, ça m'empêche pas de les recroiser. Il y a des gens, effectivement, qui sont vraiment sur, à qui j'ai vraiment plus envie d'avoir aucune interaction, mais c'est relativement rare. Voilà. Donc, voilà. C'est ma pratique à moi de la blacklist. Dire ce que j'en pense, moi, je pense que malheureusement, la blacklist, le cancel, parfois c'est nécessaire, comme je le dis. Voilà. Des fois, ça, si jamais 3-4 fois on a les mêmes problématiques avec une personne, on lui en a parlé, ça change pas. Bon, bah, à un moment donné, y a pas trop d'autres solutions, je pense, quand je considère, quoi. Voilà. Mais, là, je vois que sur le plan, il était surtout question du GN. Moi, en GN, je sais pas trop comment ça se passe. Je sais, là, par contre, qu'en GN, il y a des listes noires qui circulent dans toute la France où on dit, ouais, un tel, il est problématique, bah, généralement parce que souvent, c'est un agresseur, un harceleur, voire même un violeur. Bon, ça, moi, je trouve ça plutôt logique, en vrai. Bon, c'est vrai que c'est ouais, donc je sais pas, j'ai pas trop d'avis sur la question. Moi, j'ai parlé de ma pratique à moi. Je sais pas si ça t'inspire ou pas, Thomas, mais voilà. Bah déjà, en introduction de moi, ce que j'ai à dire, il y a un texte d'Axel Cazeneuve qui me semble important, qui s'appelle The Paradox of Inclusivity. Je crois qu'il est que en anglais. Faut que je vérifie, mais pour moi, c'est que en anglais, et qui en fait dit qu'il y a un paradoxe dans l'inclusivité. Parce que en fait, l'inclusivité, c'est-à-dire la volonté de vouloir jouer avec un maximum de personnes, et notamment avec des personnes en situation de vulnérabilité, ça implique en fait, ça implique de blacklister. Ça veut dire, ça implique de cancel des personnes qui pourraient être potentiellement abusives ou même juste, et c'est là où un peu beauf en fait. c'est là où je vais en venir un petit peu sur les un peu les problèmes de dérive. C'est-à-dire que quand je dis parce que bon ouais c'est certainement une bonne chose de cancel, de blacklister des personnes sur lesquelles on est à peu près sûr que c'est des personnes qui commettent des agressions, enfin des véritables agressions, hein, pas juste jouer des personnages méchants, hein. Des personnes qui commettent des agressions, qui commettent des vols et ainsi de suite. Mais des fois en fait il y a des personnes qui sont juste voilà, un peu beauf en fait, juste qui vont peut-être un peu trop prendre la parole, tu vois, ou je sais pas, ou faire un peu trop de blagues de Kaamelott durant la partie, ou qui quand elles vont jouer avec des personnes non binaires, eh ben sans faire exprès vont les mégenrer parce qu'ils sont comprennent pas trop, tu vois, enfin la non binarité, elles comprennent pas trop quoi. Et on se retrouve, tu vois, à cancel les personnes pour ces motifs-là. Et donc, du coup, au bout d'un moment, en fait, on se retrouve littéralement dans un entre-soi. En fait, un entre-soi, on va dire, un entre-soi entre personnes vulnérabilisées. Mais après, c'est toujours compliqué parce que des fois, la personne beauf que tu as exclue parce qu'elle n'arrivait pas à se rappeler de ton pronom, eh ben, peut-être qu'elle est en situation de précarité, peut-être qu'elle est en situation d'obésité, ou enfin peut-être qu'elle a ses handicaps à elle aussi, tu vois. Et c'est juste un moment, elle a été un peu beauf, donc après, le fait qu'elle-même soit en situation de handicap, tout d'un coup, bah, c'est plus tellement important, en fait. Tu vois, on va quand même la blacklister. L'autre point qui est important, que c'est vraiment important de signer, que ce soit en jeu de rôle, mais encore à plus forte raison en GN, oui, c'est bien vouloir jouer avec des personnes en situation de handicap. Il y a un propos qui est, je trouve, intéressant de Gerhard Sidoyenfein, qui est dire aussi que, en fait, en réalité, les situations de handicap, elles sont beaucoup plus fréquentes qu'on ne se l'imagine. C'est très facile de se retrouver en situation de handicap. Donc, c'est bien, effectivement, de vouloir inclure dans notre loisir des personnes en situation de handicap, mais il faut être très très conscient que c'est aussi très difficile et très limitant. Pour prendre le cas du GN, et ben, tu organises un GN et tu accueilles des personnes en situation de handicap, mais du coup tu as une personne, elle souffre d'anxiété sociale, donc elle peut pas avoir de relations sociales avec les autres. Tu as une personne qui est hyper acousique, donc en fait il faut pas crier, hein, pendant le GN, il faut parler toujours à voix basse. Tu as une personne à mobilité réduite, donc en fait il faut rester dans une zone de jeu très limitée. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu as une personne qui est phobique des zombies, donc en fait il faut dégager les zombies de ton histoire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bah, en fait, à un bon moment, tu restreins énormément, tu es obligé de restreindre énormément ton dispositif. Surtout si, et c'est d'autant plus problématique, si en fait on demande aux gens de dire c'est quoi leur problème, mais juste le jour J, tu vois. Donc on a prévu plein de trucs, et c'est le jour J qu'on se rend compte que bah, y a une personne mobilité réduite et on l'a pas prévu et tout. Et donc on bricole une adaptation au dernier moment. Et donc en fait, il y a des moments où on a des expériences de jeu très contraintes qui sont confortables pour personne. Elles sont pas confortables pour les personnes valides parce qu'évidemment, bah, elles doivent faire énormément de concessions. Et elles sont pas confortables non plus pour les personnes en situation de handicap parce qu'en généralement, on arrive sur un entre-deux un peu miteux. Et puis en plus, quand tu es en situation de handicap, c'est pas forcément non plus très, très confortable, très agréable de savoir que tout le monde a fait des efforts pour que tu puisses jouer, tu vois. Donc t'es un peu... en fait, y a des personnes qui arrêtent de s'inscrire au GN juste parce qu'elles veulent pas qu'on soit obligé, en fait, de modifier le GN pour elles, quoi. Quelque part, c'est assez violent de te demander au début du GN, bah dis-moi c'est quoi tes handicaps et puis on va faire un effort pour toi, tu vois. C'est assez dur, quoi. Je dis pas qu'il faut pas le faire. Je dis juste que c'est hyper dur. Alors en jeu de rôle, c'est un peu moins compliqué, mais ça reste hyper compliqué. Puis il y a plein de situations, enfin tu vois, par exemple, les questions de troubles en jeu de rôle, tu vois, bah, le fait de jouer avec des personnes neuroatypiques, par exemple, bon, ça peut énormément complexifier une partie de jeu de rôle. Comment on fait, quoi? Voilà, ça c'est le premier point. C'est d'assumer que c'est dur de jouer avec des personnes en situation de handicap et qu'il y a peut-être des moments où on voudra pas le faire, et c'est ok, en fait. Dans le sens où, par exemple, en G... Oui, vas-y. Ouais. Alors, moi, ce que je... Bah, alors, le problème de... c'est que moi, j'aurais apprécié parfois de le savoir. Alors, c'est difficile de se prêter et de donner sa stratégie. Il n'y a pas forcément envie que les gens soient courants. Mais des fois, j'étais dans cette situation, ça m'a rendu... Ouais, donc du coup, ce que tu expliquais, c'est que t'aurais aimé être informé que la personne en face de toi, elle était neuroatypique, elle avait une certaine particularité qu'il fallait prendre en compte. Parce qu'en fait, si t'en es pas informé, t'as juste l'impression que la personne, elle a un comportement pas ok, quoi. Alors qu'en fait, elle a juste pas le choix d'avoir ce comportement, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, bien sûr. Ouais. Bah, c'est ce que je disais par rapport à la sécurité émotionnelle, c'est-à-dire qu'en fait, c'est mieux qu'on sache quelle est ta problématique exacte. Si on veut s'y adapter, en fait, ou si on veut même, voilà. Moi, je sais qu'il y a pendant, par exemple, il y a pas longtemps, j'ai joué avec quelqu'un qu'on appelle ça. Alors, je vais peut-être dire les mauvais termes, hein, excusez-moi, je suis pas très au fait de ces choses-là, mais je sais pas, j'ai joué avec quelqu'un qui a un système TDI, donc trouble dissociatif d'identité. Ouais. Et moi, je savais pas. Tu vois, moi, pour moi, c'est juste quelqu'un, mon ressenti, hein, c'est juste quelqu'un qu'on avait rien à foutre de la partie, qui participait pas du tout, qui était pas là, qui faisait clairement autre chose, Donc, image très très négative, tu vois. Après, on m'explique que c'est un système TDI. Donc, évidemment, je me dis, ah oui, peut-être que ça peut expliquer certaines choses, tu vois. Moi, ma première impression de cette personne-là, enfin, de ce système, ce qu'on appelle ça les systèmes, de ce système, c'est que c'était juste quelqu'un de chiant, quoi, insupportable, tu vois. Vraiment, quoi. Ouais, c'est un problème de, ouais, de, je crois que si on parle de facing, enfin, c'est-à-dire que pendant la partie, t'as peut-être eu effectivement le facing d'une personne, enfin, d'une personnalité qui était pas investie dans le truc, quoi. Mais t'as un peu ce problème-là, à nouveau, psychologie comptoir, mais t'as un peu ce problème-là avec les troubles bipolaires, c'est-à-dire que tu peux avoir une personne qui est hyper hypée par la partie, tu vois. Et puis tout d'un coup, elle passe en phase basse. Et puis tu vois, la personne, elle fait écran bleu, tu vois, elle joue plus du tout parce que en cours de partie, en fait, elle est en descente, quoi. Soit à cause de son trouble bipolaire, soit à cause des médocs. Et si tu sais pas en fait que ça vient de ça, tu peux juste te dire, bah pourquoi d'un coup la joueuse, le joueur me fait la gueule, pourquoi il participe plus. Moi je sais que j'ai eu beaucoup de problèmes aussi, par exemple, avec des personnes autistes. Tu vois, qui parfois me paraissait être complètement à côté de la plaque, ou qui parlait beaucoup, qui t'écoutait pas du tout, voilà. Et en fait, après, oui, quand on t'explique après à rebours, tu te dis, ah oui, peut-être que ça peut expliquer certaines des choses. En tout cas, ça peut permettre d'être plus tolérant. Mais après, l'inconvénient aussi, c'est que inclusion, exclusion. Ça veut dire que aussi, à terme, peut-être, il y a le risque de se dire, ah ouais, moi, je veux pas jouer avec elle ou avec lui, parce que Yel est autiste, et moi, ça me saoule, quoi, tu vois. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment, encore une fois, c'est un problème où moi, je vois pas trop de solutions, en fait, à vrai dire. Ouais. Voilà. Bon, alors, inversement, bon, évidemment, je veux pas parler à la place des personnes concernées. Moi, j'ai pas de diagnostic d'autisme et tout. Enfin, j'ai des diagnostics primaires, c'est-à-dire qu'il y a des personnes autistes qui m'ont identifié comme autiste. Mais bon, ça vaut pas un diagnostic réel, quoi. Donc, peut-être que ces personnes, elles se trompent et tout, que je suis pas autiste. Bon, voilà. Je pense, c'est peut-être un peu violent, un peu brutal ce que je vais dire, mais je pense qu'après avoir une neuroatypie, c'est pas un permis d'être un connard, en fait. C'est-à-dire que, tu peux pas non plus te permettre de dire, bon bah écoutez, les gars, j'ai telle neuroatypie, et du coup pendant la partie, je vais être insupportable, et vous comprenez, je suis perché parce que je suis neuroatypique. Bah malheureusement, je pense que c'est pas comme ça que le vivre ensemble fonctionne. On peut dire, oui, j'ai une neuroatypie, donc je vais avoir un comportement des fois un peu pas incompréhensible ou un peu abusif et tout, mais je vais essayer de, enfin, en fait, il faut que chacun fasse un pas, tu vois, vers l'autre et tout. C'est pas uniquement les personnes neurotypiques qui doivent accepter, en fait, tout de la part des personnes, et puis elles, de faire tous les efforts, et puis que derrière, les personnes neurotypiques fassent aucun effort, tu vois, d'aller vers l'autre, en fait. Parce que je pense que du coup on n'est plus dans une situation de jeu, on n'est plus dans une situation de collectif, tout simplement, quoi. Alors évidemment, pour une personne neuroatypique, c'est sans doute plus difficile de faire certains efforts. Ça va dépendre évidemment de ton trouble ou de tes troubles. Mais voilà, pour moi, ça n'est pas et ça ne sera jamais la neuroatypie. Ça n'est pas et ça ne sera jamais le permis d'être un connard à la table. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Effectivement, après, il faut aussi se méfier de savoir qu'est-ce qui relève de la pathologie et qu'est-ce qui relève de ta personnalité. Et ça, t'es pas psy, donc tu peux pas savoir. Tu peux être autiste d'un côté et être un connard de l'autre. Tu vois, si... être un connard, c'est pas dans le DSM-5, hein, c'est juste un trait de personnalité en plus, quoi. Bon, je vais arrêter la parenthèse psychologie de comptoir, parce que là, on n'est pas du tout, hein, je suis pas du tout un professionnel de la profession, hein, donc ce que je dis, ça n'a pas plus de valeur que ce qu'on pourrait vous dire au PMU, quoi. Pour conclure, de mon côté, sur l'inclusion et la blacklist, il y a donc le système, on a parlé du système de cancel. Il y a ce qu'on appelle aussi système en GN, tu l'as, mais pour moi, ça va pénétrer, hein, de plus en plus en jeu de rôle. Hein. Donc le GN, c'est juste le laboratoire, et après ça va arriver en jeu de rôle très très très très rapidement. Donc en GN, tu as le principe de les drapeaux. Drapeau vert, c'est je suis OK pour jouer avec cette personne. Drapeau jaune, s'il y a 7 personnes dans le GN, je ne veux pas qu'on ait des relations ensemble. Donc on va pas être dans la même communauté, on fera pas de roleplay ensemble. Drapeau orange, c'est s'il y a 7 personnes dans ce GN, moi je me désinscris. Et drapeau rouge, c'est S'il y a 7 personnes dans ce GN, je te demande en tant qu'orga en fait de la désinscrire. C'est-à-dire 7 personnes, si elle est dans ce GN, il faut la kicker. Parce que. Et en fait, souvent, dans le système de drapeau, c'est souvent, je dis pas toujours, mais c'est souvent accompagné d'un no questions asked. C'est-à-dire que grosso modo, il y a quelqu'un qui s'inscrit à ton GN, elle va dire, ah mais il y a Bidule aussi qui est inscrit sur le GN. Eh ben Bidule, je mets un red flag dessus. Donc tu dois dégager Bidule et je t'explique pas pourquoi. Juste Bidule est toxique. Voilà. Donc je veux pas qu'il soit sur le GN. Et moi j'ai eu des cas de personnes qui se sont fait comme ça red flaguer par d'autres personnes qui n'étaient même pas sur le GN. Et après, quand tu fais ta petite enquête, donc au début, tu acceptes sur le principe de oui, on pose pas de questions et tout. Et après, quand tu fais ta petite enquête, tu te rends compte de quoi? Tu te rends compte que la personne qui s'est fait red flag, bah en fait, en vrai, elle avait pas fait grand-chose de grave. Et que juste le red flag a été utilisé pour lui nuire, tu vois, pour la faire chier en fait. Et que grosso modo, il y a des personnes qui vont utiliser le red flag comme un outil de vendetta. Ce que j'ai vu aussi, c'est des flags utilisés en fait comme une arme d'exclusion. C'est-à-dire que, pareil, t'as quelqu'un qui va sur un GN qui va avoir un comportement un peu beauf. Enfin, je parle pas d'un immonde agresseur et tout, mais juste quelqu'un qui est un peu beauf. Donc il est un peu relou. Il est pas méchant, mais il est relou. Et en fait, t'as une demi-douzaine de personnes qui vont faire un yellow flag dessus. C'est-à-dire, moi, je ne veux pas avoir de relation en jeu avec cette personne. Voire même des fois, yellow flag hors jeu. C'est-à-dire que même pendant le briefing ou le débriefing, cette personne n'a pas le droit de venir me parler. Et évidemment, on va demander à l'orga de s'occuper de faire respecter les yellow flags. Enfin, bon, bref. Eh ben, qu'est-ce qui se passe quand tu te prends, t'es inscrit sur un GN, il y a 6 personnes qui te yellow flag. Bah, tu te désinscris. Comment tu peux venir jouer si tu dois. Et donc, en fait, on a des outils, si tu veux, comme la blacklist, le cancel, les drapeaux, qui à la base, je pense que c'est des outils vertueux, qui sont des outils, en fait, qui sont là pour gérer, en fait, effectivement, pour se protéger de personnes qui sont abusives, de personnes qui sont des agresseurs. Et en fait, littéralement. Ça devient un outil qui est galvaudé en fait juste pour faire le ménage autour de soi et pour créer un entre-soi. Et du coup, ce qui va au final à l'encontre de l'approche de l'inclusion. Parce que je vais être un peu outrancier, mais pour moi, l'inclusion, c'est aussi jouer avec les beaufs. En fait, si on dégage tous les beaufs, ben, on n'est plus tellement inclusif. Enfin, je rêve d'un monde, je suis peut-être fou, je rêve d'un monde où les beaufs et les personnes handicapées pourraient vivre ensemble. Je pense que c'est un monde totalement utopique, j'en conviens. Y a aussi, même le. Alors, bon, là, ça devient très radical, je ne suis pas sûr de m'inscrire dedans, mais je veux le verser au dossier, je veux que vous soyez au courant. Il y a aussi des personnes, notamment du monde du GN, qui disent que même en fait, cancel des personnes qui ont commis de réelles agressions, y compris des agressions graves qui pourraient relever du pénal. Il y a des personnes qui s'élèvent pour dire que les cancels ne seraient pas la solution. Et le modèle opposé que proposer, c'est ce qu'on appelle la justice réparatrice. C'est de dire, ces personnes, on va faire un effort, en fait, pour quand même continuer à les accepter dans nos GN. Mais à condition de mettre en place une médiation avec les victimes, de mettre en place une vigilance et d'essayer d'intégrer la personne en fait dans une démarche bah, de rédemption, hein, faut utiliser les termes, hein, c'est-à-dire de s'assurer que la personne est dans une volonté de mieux faire en fait et de ne plus agresser. Donc il y a un document qui est, je vous préviens, c'est une lecture difficile parce que ça va être très contre-intuitif, ça va vous paraître très brutal. Mais il y a un document que je pense qu'il faut lire, qui s'appelle Mieux gérer nos conflits, bah, toujours d'Axel Cazeneuve, qui va essayer de proposer ce contre-modèle, entre guillemets, à la cancel culture, qui est la justice réparatrice. Après, bon, voilà, c'est compliqué. Est-ce qu'on a envie de faire un GN avec Gérard Depardieu? Moi, je conçois qu'on n'ait pas envie. Donc, la justice réparatrice, c'est de dire oui, mais si Gérard Depardieu s'excuse, bah, il a le droit de venir dans le GN. Voilà. Est-ce qu'on est prêt à aller vers ça? Je conçois que c'est un modèle radical. Je pense que c'est important quand même j'énonce qu'il existe. Et pour terminer, vraiment terminer, je finis juste sur les questions de red flag et cancel. En fait, maintenant, en tant qu'orga, j'ai longtemps en fait fait des cancels et appliqué des red flags en posant aucune question. Et maintenant, je le fais plus. Enfin, c'est-à-dire que si une personne me demande d'appliquer un cancel ou un red flag ou de faire de la blacklist ou du call out, eh ben, je veux des informations en fait. Je veux qu'on m'explique c'était quoi vraiment le problème. Et je vais être en droit, si j'estime que le problème est solvable d'une certaine façon, je vais être en droit de proposer une médiation. C'est-à-dire, je ne veux plus participer en fait à une politique d'exclusion si moi, en tant qu'orga, j'ai pas une agentivité dans le processus, si j'ai pas les informations et tout. Si j'ai pas les informations, bah, j'estime que si la personne ne veut pas être transparente avec moi, et je comprends que c'est violent parce que si on a subi des agressions, tout ça, c'est pas facile de les dire, de vraiment les dire, quoi. Mais après, si moi on me demande voilà, de faire la police, ben j'ai besoin d'avoir les informations derrière parce que j'en ai assez en fait de faire des cancels abusifs parce qu'on m'a pas donné les informations et parce qu'on m'a en fait manipulé, quoi. Voilà. Pardon, c'était la fin du coup de gueule. Je te laisse la parole. Non, mais moi je comprends, hein, je comprends cette problématique. Moi, j'ai pas fait beaucoup de gêne, mais je pense que c'est quelque chose qui se passe beaucoup en gêne, effectivement. Moi, j'ai. C'est en jeu de rôle, tu l'as. Hein. Enfin, je veux dire, moi, en jeu de rôle aussi, on Ouais. vient me demander de faire des cancels, hein, de me dire, je veux pas que cette personne se joue avec moi, et voire même, je ne veux pas que tu joues avec cette personne. Enfin, ça, c'est moins fréquent, mais ça arrive de plus en plus en jeu de rôle aussi. Hein. Surtout en jeu de rôle en ligne, où on a beaucoup de, tu sais, bah, les personnes circulent beaucoup, en fait. C'est vraiment très important dans le jeu de rôle en ligne, je trouve. Après, ce qui est à l'œuvre là, c'est aussi plusieurs questions, hein. La question de l'influence, la question du rapport de pouvoir, la question aussi du mensonge. C'est-à-dire que oui, moi j'ai entendu des histoires dans le cadre du GN où une personne qui était très appréciée, des gens qui pouvaient être très appréciés ou quoi, c'était eux qui faisaient la pluie et beau temps et qui pouvaient décider qu'ils n'avaient pas envie de jouer avec telle personne et la personne était blacklistée de tous les GN de France, quoi. Ouais, mais c'est possible. Après, bon, voilà, après, oui, c'est des questions de rapport de pouvoir. Moi, je suis assez d'accord sur la justice réparatrice, tu vois. Mais ça pose aussi d'autres questions, quoi. Parce que, à mon avis, c'est pas juste s'excuser. Il y a d'autres choses qui rentrent en ligne de compte. Et puis après, c'est des questions qui sont très complexes, hein, en termes de est-ce que la rédemption est possible? Est-ce que le pardon est toujours acceptable? Voilà, c'est des sujets très très compliqués. Donc, moi, je ne m'aventurerai pas là-dedans. Mais oui, le Bien fait, sûr. par contre, effectivement, je pense de dire, moi, tu me dis qu'un tel, tu veux pas qu'il vienne, tu m'expliques pourquoi. Pour moi, ça me paraît juste être la base, quoi. Voilà. Bon, voilà, tu peux pas juste Après, dire, moi, tu vois, tu en vois. termes de charge émotionnelle, je ne suis pas non plus capable d'appliquer la justice réparatrice. C'est hyper compliqué. Et donc, par exemple, là, sur des GN actuellement, il y a des personnes qui ont voulu aller sur certains de mes GN. Et je leur ai dit non, tu viens pas, en fait. Parce que j'ai X personnes de confiance qui m'ont dit pas mal de dingueries à tes sujets. À ton sujet, donc bah tant pis, je vais pas prendre le risque en fait. Je vais pas prendre le risque de mettre comment de vraiment faire foirer mon GN dans les grandes largeurs parce que j'aurais accepté de bosser avec toi alors qu'il y a plein de gens qui m'ont dit des dingueries sur toi et des gens en qui j'ai confiance que je connais beaucoup plus que toi quoi. Donc tu vois, je pourrais être en mode justice réparatrice, tout le monde a droit à une cinquième chance, tu vois. Et donc bon bah écoute, on va essayer. Allez, j'ai confiance en l'humanité. Avec moi, je suis sûr que ça va bien se passer et tout, alors que ça s'est mal passé avec toutes les autres personnes. Mais en fait là, tu vois, j'ai juste pas la charge mentale de faire ça. Et bon, j'ai trop de mauvais signaux envers toi. Et donc non, on va pas bosser ensemble, tant pis quoi. Ah, bah après, moi je trouve ça compréhensible et normal aussi, hein. Une réaction bien humaine. Bon, en gros, tout ça pour dire que l'autorité, c'est compliqué. Non, mais oui, enfin voilà. Après, moi je pense que toutes ces questions d'autorité, en fait, la question ça repose surtout sur une question de légitimité. En fait, à quel point on considère que l'autorité est légitime, quelle légitimité on lui accorde et jusqu'à quel point, quoi. Moi, je me rappelle que dans le domaine de l'enseignement, enfin de l'éducation, l'animation, on m'avait dit. Ce qui compte, c'est pas d'être l'autorité, c'est de faire autorité, en fait. Et si tu fais autorité, ça veut dire que, bah voilà, en fait, on te reconnaît ta légitimité. C'est plus facile de donner tes conditions quand t'es reconnu comme un très bon MJ que quand t'es mal pas connu. Par exemple, voilà. Je pense que, voilà, par exemple, les gens qui font des actual play, ils sélectionnent pas n'importe qui parmi leurs joueurs, quoi, parmi leurs joueuses. Voilà, ils sélectionnent des gens triés sur le volet. Donc, est-ce que c'est ça l'avenir du JDR? Est-ce que c'est les castings privés? Bon, est-ce qu'on va y revenir à ça? Bah voilà, parce que c'est vrai, hein, c'est déjà ce qui se passe dans le présentiel. Dans le présentiel, on fait des castings avec des gens qu'on connaît, quoi. Et j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train d'arriver aussi, un peu beaucoup en distanciel, ce qui est logique, hein. Avec, entre les blacklists, etc., on se dit, il y a les attentes différentes, les contrats de table qui sont pas stables et qui sont soumis au chaos. Est-ce que le truc le plus simple, la solution de facilité, c'est pas de jouer avec des gens que tu connais, quoi? Quitte à écarter des belles rencontres, quitte à écarter Ouais, des ou à faire, voilà, enfin, ce des... truc qu'on voit de plus en plus et qu'on a fait un peu, des sortes d'entretiens d'embauche avant de commencer la campagne. Tu dois discuter pendant 1 heure avec le MJ pour voir si vraiment on est compatible. Ouais. Mais après, bon, moi, ce que je pense, pour conclure, moi, je pense qu'effectivement, le fait d'aller vers pas une dissolution, mais de dissoudre un peu le rôle du MJ et d'aller de plus en plus vers un partage des rôles du MJ vers les joueurs, pour moi, c'est plutôt positif. Je pense pas ton avis, Pierre Thomas, mais c'est plutôt positif, ne serait-ce que pour une question de charge mentale. On a beaucoup parlé de charge mentale, mais si la charge mentale est partagée à table, ne serait-ce que pour l'organisation, par exemple. Pourquoi ce serait forcément au MJ de toujours tout organiser? Pourquoi est-ce qu'un joueur pourrait pas se charger de l'occupation, de l'organisation, tu vois? Je pense que d'aller vers un partage des tâches, et vers baisser l'autorité, tout en conservant l'idée qu'effectivement, alors, tout en conservant en tête l'idée que le MJ, ça reste quelque part aussi, dans une partie traditionnelle, en tout cas, le garant d'une certaine cohérence et le fait que ça permette d'empêcher que la partie tourne à du grand n'importe quoi ou du nawak, même dans des structures de société anarchiste. Encore une fois, comme je le disais plus tôt, il y a des leaders, hein, il y a des leaders, ne serait-ce qu'en cas de guerre. En cas de guerre, il y a des leaders parce que en cas de guerre, on peut pas passer trois semaines à essayer de dégager un consensus, quoi. Donc parfois, il faut être capable de trancher et alors que ce soit avec le système mécanique, que ce soit avec le lore ou que ce soit avec le MJ, effectivement, quoi. En fait, ma conclusion personnelle sur tout ça, c'était juste d'attirer l'attention sur un point. C'est que en jeu de rôle, ou peut-être même comme dans la vie, comme en politique, il y a des situations, si tu veux, avec de la verticalité, mais qui peuvent bien se passer, en fait. La verticalité, le fait qu'il y a des autorités centralisées, ne pose pas forcément problème. C'est pas toujours un problème, en fait. Ça peut même faciliter beaucoup de choses par moment. Et inversement, même si mon petit cœur de gauchiste, évidemment, rêve qu'on aille vers plus de démocratie, plus de collectif, voire même plus d'anarchie. Mais c'est la leçon notamment que je tire du roman là, Les Dépossédés d'Ursula Le Guin, c'est qu'une situation, que ce soit dans la vraie vie ou que ce soit en jeu de rôle, une situation totalement démocratique, totalement collective, totalement partagée, n'est pas forcément pour autant une situation utopique où tout se passe bien. C'est-à-dire qu'on peut être dans un On peut être dans un fonctionnement collectif, mais un fonctionnement collectif qui soit déglingué, qui fonctionne mal. Donc en fait, il suffit pas juste de dire on va aller vers plus de collectifs dans la joie et en chantant, mais après derrière il faut savoir comment le fait ce collectif, vers quel collectif on va en fait. Et donc il y a tout un travail en fait, bah, littéralement d'ingénierie sociale qui reste pour moi encore en chantier en fait. Il y a plein d'excellentes pistes. Et il y a plein de choses qu'on a essayées et qui fonctionnent pas autant que promis. Et donc, bah voilà, je pense que l'expérimentation dans ces domaines, elle est loin d'être terminée et tout. Et on est loin encore d'avoir trouvé nos espaces d'harmonisation. Puis de toute façon, je pense qu'il n'y aura rien de fixe. Ce sera forcément toujours quelque chose de mouvant, dans négociation perpétuelle, mais en même temps une négociation qui doit aussi par moment s'arrêter pour mettre en place, voilà, des décisions et tout, malgré des dissensus, pour continuer à aller de l'avant et tout. Et donc voilà, il y a des moments pour négocier, puis il y a des moments pour avancer. C'est ça qui est compliqué, quoi. Et qui est aussi intéressant, enthousiasmant, quoi. Ah, je pense qu'on peut conclure là-dessus, hein. Merci Thomas. Yes. Bah, merci à Voilà. toi, Narcy, je suis assez content de ce que ça a donné. Et puis, ben, j'espère que vous ne serez pas d'accord avec nous et que vous aurez un petit peu de dissensus à nous partager. On gardera les commentaires, quoi. Et puis là-dessus, on vous dit à bientôt. À bientôt.